Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc 1h14, vous êtes toujours sur Fun Radio. 1h15, pardon, vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc bon réveillon à tous ceux qui sont encore en famille. Donc j'espère que vous êtes nombreux. Donc je remercie tous ceux qui viennent et tous ceux qui continuent de venir. Donc je remercie tous ceux qui sont passés là. Et donc il y a toujours. Et donc Gérard. Je remercie tous ceux qui sont venus. Donc. Ouais, il y a Gilbert, il y a Patrick, il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens. Donc je remercie tous les gens. Et il y a d'autres personnes encore qui sont en haut à l'accueil. C'est des routiers, hein. Ouais. Ouais, ben. Il y a des triplés routiers en plus. Derrière, juste derrière. Bon, toi, pour l'instant, tu as de terre et c'est tout. Non, mais c'est une routière qui est venue spécialement. Là, elle va livrer bientôt dans la Haute-Savoie. Elle est venue te dire bonsoir. Ouais, mais de toute manière, en fin de compte, hein. Les canons, hein, si t'étais célibat, si t'étais pas maqué. Non, mais je sais bien. Je sais. Oh là là, là moi, j'ai mon bébé. J'ai mon bébé rose, je le garde, mon bébé rose. Non, s'il te plaît, excuse-moi, là, je me porte en faux. C'est pas ton bébé rose, merci. Quoi, attends, toi, t'étais bien contente. Bébé rose, c'est moi. Donc toi, ouais, c'est ouais, bébé ouais. Vert, bébé marron, bébé ce que tu veux, mais bébé rose, c'est moi. Ouais, mais ah, c'est vrai. T'étais bien content quand t'avais Aurélie là dans les studios hier. Mais Aurélie, mais je lui ai rien dit moi, Aurélie. Moi. Mm-hmm. C'est rigolo, hein. C'est menteur. Allez, sans déconner, sans rancune, on y va. 1h17, c'est parti. On accueille sans problème 20 ans de Niort, on écoute Fun Radio sur 93.3. Bonjour Gérard. Bonjour, et joyeux Noël à toi. Bon anniversaire. Ah bah d'accord, t'es vachement en avance. À l'avance. Chute 19 ans de Laval, 102.3. Oui, tout à fait, salut, joyeux Halloween à tous, salut à Bébé Grosse. Comment? J'ai dit salut à Bébé Grosse. Là, tu vas te calmer, toi. Allez, hop. On va commencer. Hop, tu... C'est Noël, on est... Ouais, c'est Noël, GG, c'est Noël, il est beau, tranquille. Non, tu me l'attrapes et tu me le calmes déjà, lui. Ça y est, il commence déjà à faire sa sorte dictature, le lâcher. Hop. Quick de Loup, 23 ans de Toulouse, on écoute Fun Radio sur 105.9. Bonsoir. Salut. Petit et ton 18 ans, Brest, 98.9. Oui, bonsoir et joyeux Noël. De même à toi. Raison Sec, 25 ans d'Alès. Bonsoir, joyeux Noël. 96.5. 96.6, pardon. 65, Gérard. 96.6. Ok. 65. On écoute Fun Radio sur 95.6. Oui, si tu veux. Allez, hop. Allez, hop, il dégage, celui-là. Allez. Oh, vous allez vous calmer. La suite, Gigi. Poil de nez. Oui, bonsoir. 20 ans de Nantua. 99.4. Bonsoir, Paris, bonsoir, Dumont. Salut à toi. Parle dans ton téléphone, hein, Poil de nez. Ouais. Ouais, parle un peu mieux dans ton téléphone et... D'accord, mais je suis dans une cabine en pleine campagne, donc ça c'est pas nouveau. Oh là là là là. Il a un portable. Non, je suis pas portable. C'est un portable. C'est pas nouveau. Oh, vous vous calmez, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. Ok, on y va, Gégé. Ok. Alors, un routier peut-il conduire 24 heures sur 24, sans s'arrêter? Donc c'est le débat sur les routiers, hein, tu le rappelles, voilà. Donc, la question, excuse-moi, parce que j'ai pas écouté. Bon, la question, de toute manière, t'as pas besoin de l'écouter, toi. Ah, d'accord. Là, tu fais la réalisation, tu me donnes les fiches avec les titres de chansons. D'accord. Ok, Rigaud, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Débat sur les routiers, oui. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas une petite question avant... Si, il y a Spoutnik qui te demande comment il doit faire pour manger sa dinde de Noël avec des baguettes au resto chinois. Ah là, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Donc, la question, donc, un routier peut-il conduire 24 heures sur 24 sans s'arrêter? Allez, hop. Non, mais merci, Fildar. Bravo pour le... Là, les auditeurs, Gérard. Non, mais allô, bravo, Fildar, tu commences. Bravo. Ouais, je pense que la question, il y avait aucun auditeur. Hein, d'accord. Dans ton pull noir, rayure grise, bravo, Fidar. Alors donc, un routier peut-il conduire 24 heures sur 24 sans s'arrêter? Impossible. On va demander à sans problème. Pas de problème, c'est pas, impossible. Tu peux. 24h sur 24, c'est impossible. Ouais, ben tu peux. Qui mange, hein. Non, mais. Non, mais qu'il fasse autre chose. Non, mais vous pouvez. Attendez. Attendez, déjà pas tous en même temps, parce qu'on comprend rien, s'il vous plaît. Okay. Vous coupez la radio. Oh non, qui c'est qui a une radio pourrite là? Ouais, elle est pourrite ta radio. Déjà, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Oh, qui ça tient une radio? Il n'y a rien à faire, je ne repose pas. Je remercie ceux qui m'aiment son parce que j'ai l'image, j'avais pas le coup. Pas Gérard, il y en a qui mettent Goldorak, Manu. C'est bon, il gère Manu, vas-y Gérard. Alors, chute. Hein? Chute, à toi. C'est bon, je vais calmer. Ah, d'accord. Ah, alors, c'était Chute qui mettait Goldorak, c'est pas ça. Je suis fan. Mais non, tu peux. Alors, moi, j'ai connu des routiers qui conduisaient beaucoup plus que 24 heures d'affilée, ça dépend à quoi ils tournent. Et moi, je dis, il y a des routiers qui respectent pas les consignes de sécurité, qui conduisent beaucoup plus que 6 heures. Ça fait des accidents, comme d'habitude, c'est tout. D'accord. Si moi, je connais du routier qui tourne aux enfêtes, et ben, je vais dire, ça conduit 72 heures, 96 heures de suite sans problème. Hein. Okay. Ils partent de Amsterdam, ils vont jusqu'à Tombouctou direct. D'accord. De toute manière, c'est pas la question. Hein. Bah si, les routiers, c'est quand même... Non, mais c'est pas la question, d'accord. C'est pas la question. D'accord, là. C'est pas du débat. Le grand stratège. Oh. Eh, putain, mais vous me faites pas, là. Oh, Manu. Bon, ouais. Bon, allez, stop. Avec Nino. C'est bon. Allez Gérard. Gérard, ce que tu dis, Manu. Gérard, sur IRC, il y a Sardine, le vrai de Marseille, qui te dit que s'il n'y a pas de feu rouge sur l'autoroute, il peut ne pas s'arrêter pendant au moins 120 heures le routier. Non mais attends, les feux rouges, je vois pas le rapport avec un routier peut-il conduire 24 heures sur 24. Hein. Donc je vois pas le rapport avec les feux rouges. Hein. Ah si, s'il n'y a pas de feu rouge, il peut pas s'arrêter de rouler. Il est bah ouais, mais attends, un routier qui conduit 24 heures sur 24, déjà j'en ai jamais vu. Bah alors c'est quoi ta question? Ben justement, c'est une question que je pose. Donc je pose une question. C'est une question con. Bah ouais, si tu sais que c'est pas vrai, comment tu poses la question? Parce que cette question-là, elle a jamais été posée lors qu'on a fait des débats sur les routiers. Ouais. J'oublie donc que c'était important de la poser parce que comme ça n'avait jamais été fait. Gérard, sur IRC, on me demande si c'est que des questions à la con comme ça pendant tout le débat. Si ça plaît pas, c'est qui te demande ça? C'est un peu tout le monde. Ah ben, de toute manière. Parce que si tu leur dis à tous de se casser, on va être mal. Hein. Donc, on va demander à Chute. Ouais. Bah écoute, moi je voulais te dire que des routiers qui conduisent plus de 24 heures, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Ouais. Si Manu a le générique sous la main, si tu prends Steve Austin, il conduit largement. Pas moi, là, rien. En tout cas, je sais pas. Là, Steve Austin, si tu prends Steve Austin, il peut conduire largement plus de 24 heures. Ouais, alors. Lui, c'est un chaud aussi, quoi. Ah bah ouais, non, mais je veux dire, ça, c'est du super routier, quoi. Ah, c'est clair. Après, là, tu transportes une cargaison de porc de Lyon à Marseille sans problème. Ouais, ouais, d'accord, t'as raison. Une cargaison de tu ferais pas partie des ports, toi? Ils prennent pas l'avion, Gérard. Non, mais tu ferais pas partie des ports? C'est trop tard, tu transportes les cochons, alors, en France, c'est pas partie. Non, mais pourquoi tu veux tout de suite citer le nom de Manu? Manu, vas-y, là, Gérard. Tu as parlé de Manu, je t'ai demandé comment t'avais fait. Manu, je l'ai vu en live, il est pas gros, c'est pas mort. Ouais, mais... Comment t'avais affrété ta meuf, je te passerai. Je l'aime bien, d'ailleurs. Dégage-moi ce abruti là. Ok, ça y est. Ah, tu vas voir toi. Ouais, je vais s'occuper de toi. Hein. Je vais savoir qui c'est. Tu me chopes qui c'est qui s'amusait à parler de Sandy? C'est Robert. Non, il n'y a pas de Robert. On n'a pas de Robert là sur la liste. Ah bah, Gérard, à propos de Sandy, il y a Olio qui te demande combien de temps tu roules sans t'arrêter. Je ne roule pas, je t'assure, mais bon, je peux pas te répondre à cette question. Bah tu flottes alors si tu roules pas. Donc je prends un joker. Ouais, c'est pas le jeu de la vérité, c'est les débats. Alors, couche de loup. Ouais, non, ben moi tu vois, je pense que ça dépend en fait, s'il a pris du speed, ouais, il peut aller rouler plus de 24 heures et puis... Ouais. Je sais pas s'il roule plus vite aussi, ça dépend de la vitesse, hein, en fait. Ça dépend à quelle vitesse il roule, hein. Il peut aller facilement plusieurs heures, hein. Ouais. Non, mais moi, je vais te dire une chose. T'as déjà vu à combien qu'ils sont limités, les routiers? Ah ben non, moi, je suis pas routière. Non, t'es pas routière. Non. 20-30 à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça, bande. Ils sont limités à combien, Gérard? Toi, tu peux peut-être leur dire. Alors, la limitation de vitesse, Manu, tu vas me faire du bon boulot, s'il te plaît, pour la dernière. Gérard, des routiers ce soir. Des routiers avec toi, en plus. Il pourra le confirmer. Donc, je pense que les routiers sont limités à 80. Tu peux le confirmer ou pas? Tu peux 60, 80, voire 90, pas plus. Hein. C'est faux! 90 sur autoroute. Non, laisse-le réagir, mais c'est un vrai routier. C'est fait là, 90 sur autoroute. C'est voilà. Pas vrai, c'est une honte, c'est pas vrai. Attends, toi, avec ton vélo, tu roules à combien? 91. 91 km/h. Tu fais moi le malin. Mais attends, vélo, et on te prend entre deux camions, t'as plus de vélo. C'est une boîte à conserve. Ouais, mais moi je prends ton camion entre deux vélos. Mon camion entre deux vélos, t'as raison. Les camions sont bridés. Ouais. Donc, petit téton. Oui, bien sûr, ils peuvent conduire. Putain, ton chien, c'est pas dans la cabine. Oh, ta gueule à toi. Et ça s'appelle des routiers somnambules. Ah, d'accord, des routiers somnambules. Ouais. T'as vu jouer ça dans Spirou Magazine ou dans Tintamidou? Non, dans Mickey. Ah, dans Mickey. Ouais. Moi, je crois que j'ai vu ça dans L'île aux enfants avec Casimir. Je cherche pas à être drôle, Gérard. Gérard, sur l'IRC, il y a Sean qui te demande de répéter la question. Oh non, bah, je ne répète plus les questions maintenant. Hein. On accélère. Raisin sec. Alors, le routier, bon, ils sont limités à 230, normalement, non? Bah, bien sûr. D'accord. Pourquoi pas 250 km en routier? Moi, j'étais à 140, je me suis fait doubler par un camion, alors je comprends plus maintenant. Jésus? Ouais. Voilà, c'est sans problème, ça te dit pas, on fait une petite pause pendant un quart d'heure et on met le son de Goldorak, comme ça on leur enregistre. Non. Alors, sans problème, terminé pour toi. Est-ce qu'il joue de la guitare, là? Non, personne ne joue de la guitare. Non, avec la russe. Paul Donné. Ouais, donc, qui? Raisin sec. Bah alors vas-y. J'ai demandé comment ça se faisait que j'étais à 150 sur l'autoroute et qu'un camion m'a doublé. Non mais attends, t'étais avec quoi? Avec ma voiture. Ça peut rouler à maximum à combien un camion? Un camion, de toute manière, on a confirmation, c'est limité à 90. Non, mais c'est limité, mais si ça dépasse la limite, ça peut rouler à combien? Non, il dépasse la limite. Il y a son mouchard. Il y a un petit voyant rouge. Ouais. Donc le mouchard, pour préciser, pour ceux qui sont pas routiers, qui ont pas l'habitude de faire, et là on a deux. Ils peuvent confirmer. On a des routiers. Ils peuvent. Qui sont là, qui peuvent confirmer. Ouais. Donc le mouchard, c'est là où qu'on met le disque pour savoir à combien qu'on roule et tout ça. Donc c'est un boîtier comme un. Attends, parce que tu dis c'est pas un lecteur CD pour mettre le disque, pour mettre une radio cassette. Non mais c'est à peu près comme ton disque. Ouais, c'est toi, ça. T'as le disque qui tourne. C'est un lecteur cassette, CD. Même non, on appelle ça des mouchards. Ouais, les mouchards, ce sont ceux qui disent des informations. Comme non, des Kinex, des trucs comme ça. Non, attends, toi. Ouais, c'est exactement ce qu'on demande à un Non, mais là, on a des routiers, donc on peut confirmer. Les mouchards, c'est un truc où tu mets ton disque. Tu mets ton disque CD ou vinyle? Mais non, mais tu mets un disque normal. Tu prends ça. C'est faux! C'est faux! Mais arrêtez vos conneries, putain, mais moi, c'est ce que je dis. Alors, toi, tu t'écrases, ok? Ouais, non, mais attendez. Un disque, c'est un genre de truc comme ça. Qui est troué. Non, mais qui est troué. Là. Ah. Et là, t'as... Non, c'est bien, on voit pas bien, peut-être. Tout ça, c'est un disque. C'est une horloge. Et si t'as pas d'horloge, tu peux mettre quoi, genre? C'est une montre ou un... Tu peux pas. Non, tu peux pas. Pas de réveil? Non. Ah bon. Tu peux pas machiner là-dessus. Ah, tu peux pas machiner surtout. Alors. Non, je voulais dire quand même que les routiers, c'était des grosses balances quand même. Ta gueule à toi. Toi, la balance, tu sais où tu vas terminer, toi? Là. Ah ouais. Gérard, excuse-moi. Oui. Vas-y, Manu. À la place de sans problème, on accueille n'importe quoi. D'accord. Allez, bonsoir. Attends, tu permets sans problème? Il est plus là. Sans problème. C'est n'importe quoi. N'importe quoi? Ouais. Je vais te dire une chose, Manu. Ouais. Pas comme toutes les semaines. Ah, excuse-moi. Dis plus rien parce que sinon ça fera plus d'une chose. Tu peux pas dire. tu peux pas dire sur les 24 lignes parce qu'il n'y en a plus que 12, mais... Ouais, ouais, non, mais je voudrais qu'on prenne un peu, là. Sur les 12 lignes, Manu. Donc, c'est comment son nom? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais attends, Gérard, j'ai lutté pour essayer de vous joindre. Ouais, donc, tu peux répondre à la première question? Bah, j'ai pas entendu, j'étais au standard avec Manu. Alors, la première question, donc, je la rappelle plus parce que tout le monde a à peu près fait le tour. Donc n'importe quoi pour toi, je répète, un routier peut-il conduire 24 heures sur 24 sans s'arrêter? Oui, je pense, oui. S'il prend de la caféine. C'est ça, t'as raison. Voilà. Et celui qui dit fais chier maman... C'est pas bon. Ouais, c'est ça. Celui qui fait le port, c'est pareil. Il y a personne qui peut m'enregistrer l'épisode de Goldo en DVD, c'est non, où, non, non, non, il y a personne qui peut t'enregistrer Goldo en DVD. Il n'y a pas de problème. Il monte sur de moi, c'est tout. Oh, bah, Gérard, tu parlais des mouchards. Moi, je voudrais savoir quelle est ta théorie sur le Morbac. Non, il y en a pas. Alors, comment s'organise un routier? Ah, bah, Paul Delay, il n'a pas répondu. Non, vas-y. Bon, alors, tu parlais de c'est quoi déjà la question? Bon, allez, tu veux. Non, c'est bon, je voyais Noël à toile, va retirer tes poils de nez. Hop, terminé pour toi. Alors, comment s'organise un routier quand il s'ennuie? On va demander ça à n'importe quoi. Bah, je pense qu'il se tape une grosse branlette. Alors, tu peux, vas-y, Rigo. Attends. Manu, bosse un peu, putain, autrement tu dégages. Rigo. Tu te tais, toi. Rigo, il y a juste Misto qui dit que si tu fais pas partie des 99% qui se branlaient, c'est que t'étais un neuneu. Et alors, tous les routiers se branlent pas dans leur camion, hein, attends. Les routiers sont pas neuneux. Tous les routiers sont pas des cochons comme la question va être posée. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui sont sur les routes, malheureusement. Ah, pourquoi? C'est des fêtes. Quoi, il y a du gel? Ça gèle? Non, mais il y a pas de routier. Ouais, vas-y, toi. Je voulais juste te dire qu'à la place de poils de nez, on accueillait Sandrine, c'est tout. Alors, Sandrine, ouais, non, c'est bien, ça. Oui, bonsoir, Gérard. Salut, Sandrine. Salut, Sandrine. Bonsoir, c'est Sandrine de France. Ouais, c'est ça, Trablo. Toi, t'as trop sexuel. Tu as l'air fort. Bon, vous fermez un peu vos gueules. Ok, super. Merci. Ah, on va peut-être plus avoir de confirmation, mais c'est pas grave. Salut les routiers. Salut les routiers. Salut à vous. Bonne route, vous êtes sympa. Bonne bourre et prudence sur les routes. Ouais. Passez la deuxième quand même des fois. Sortez couvert les mecs. Ouais. C'est Sandrine, est-ce que je peux avoir la question? Parce que Manu m'a pris sur le standard. Ouais. Il est sourd. Oh, tu te tais, toi. Comme ça, s'il te plaît. Bon, ça va. Alors, comment s'organise un routier quand il s'ennuie? Oh, putain, mais vous me faites ça avec le Goldorak. Bon, moi, j'arrête à 3 heures, hein. Mais je vais voilà. C'est nul. Faut me mettre à l'aria, moi, je pense. Allez, on va s'écouter ça avec Fête à Pète et La Grosse. Et on se retrouve après pour la deuxième question. Comment s'organise un routier quand il s'ennuie? A tout de suite. regarde ça. Tu vois pas que les autres s'amusent là. Allez, debout. Viens avec nous. C'était Saga avec Fête à Fête et... Saga Africa ? Non, c'est Saga avec Fête à Fête à La Grosse. Donc, c'était dédié pour... La Grosse ? Pour ma petite femme que j'aime de tout mon cœur. Oui, avant de recommencer avec les auditeurs, j'ai un petit sondage sur l'Internet. Alors, c'est de paradoxe. Alors, attention, parce que ça défile très vite. Alors, sondage reçu par l'AFP. 15% des routiers sont des maniaco-dépressifs. 23,78% sont en proie à de gros problèmes sexuels. Et 36% prennent du Viagra. 3% sont sans emploi. Et 90,3% auraient préféré être CRS. Parce qu'ils ont le même QI. CRS, non, je vois pas trop le rapport. Donc, on récupère n'importe quoi. N'importe quoi, bonsoir. Bonsoir Gérard, comment vas-tu? Ouais, bonsoir. Chut, derrière vous fermez vos gueules. Gérard. Oh putain, mais oh Manu. Ouais, chut un peu là, oh. On faut gérer un peu là, parce que ça commence à bien faire. Hein. Chut. Ouais, je suis là, y'a pas de problème. Il y a un mec qui fait le malin derrière. Pour les points faibles de Brice Basinger. Oh là là, Goldorak, Manu. Arrêtez avec Goldo. Oh, hé, hé, oh, moi j'en ai ras le bol là. Il est tout nage, le Goldo, en plus. Regarde un peu, y'a personne, Homer. Putain, tu as bossé comme il faut, toi. Bah, y'a personne, ça vient pas de moi. Putain, hein. Si t'as pas envie de bosser, tu pars de Noël, tu retournes voir ton bébé rose. Y'a personne. Tu nous fais chier, là. Ouais, c'est vrai. T'as qu'à retourner voir ton bébé rose. Ouais, d'accord. Vas-y, on y va. Chut. Ouais. Ouais, d'accord, couille de loup. Ouais. Je suis là. Rebonsoir. Bonsoir. Petit téton. Oui. Rebonsoir. Bonsoir. Raisin sec. Oui. Ouais. Oh, tu travailles ou quoi, là? Excuse-moi, ça va. Sandrine. Gilles Trablot. Ouais. Et sourd. C'est-à-dire GG. Moi, je kiffe bien sur tes pantoufles intérieures. Bon, alors. Alors, c'est Pedro qui a dit ça. Bon, vous fermez. Maintenant, vous allez vous la fermer. Ok. Allez, hop. Gérard, tu voudrais te soucier? Comment? Tu voudrais te soucier? C'est qui? Petit téton. Petit téton, ben, tu retournes voir Manu, il va... Gérard, elle te pose la question, est-ce que tu aimerais redevenir routier? Non, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne place. C'est tout. Comment s'organise un routier quand il s'ennuie? Sandrine. Alors Sandrine, vas-y, le trablot. Alors, la question de facilité, ce serait dire, bon, la branlette, mais à mon avis, c'est pas ça. Donc un routier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chez Bip, et je donne pas la marque de la station en service. Ouais. Il va acheter des cassettes de cul. Ou alors, je sais pas, des calendriers de cul, de la bouffe, et tout ça. Putain, Manu. Voilà, Gérard. Essaye de gérer, ça. Non, mais si tu veux, on peut arrêter à 3 heures. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va pas faire les deux débats. Ah, y en a parce que là, ça t'emmerde. Non, mais moi, ça m'emmerde pas. C'est toi que ça emmerde. Parce que tu vois, pour l'instant, t'es en train de me foutre de la merde. Ouais, ça se voit que c'est le dernier débat de l'année. Ouais, hein. Parce que t'es pas avec ton bébé rose. Ah bah ouais. Et moi, je suis pas... Moi, elle est là, mais on n'a pas fait de réveillon encore. Ok. Ah ouais. Gérard, pour revenir au débat, il y a Chandler, le vrai, sur l'IRC, qui te demande qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir routier. Bah justement, ça c'est dans le deuxième débat. Donc c'est pas maintenant. Gérard. Oui. C'est Sandrine, donc j'avais pas fini. Ouais, vas-y. Parle dans ton téléphone, Sandrine. Pardon ? Parle dans ton téléphone. Et donc, ouais, mais attends, Sandrine. Oui. Toi, tu recommences pas ce que tu viens de faire. C'est toi qui t'amuses à... Non, c'est pas moi qui m'ai donné. Non, tiens. Non. Ah, bon, tu vois, tiens, pas moi. Tiens. C'est pas parce que je mets main là que je mets Goldorak. Oui, tiens. Parce que tu veux que je te mette Goldorak, tu vas avoir un autre son, regarde. Ah ouais. C'est Goldorak, c'est ça. C'est mon Goldorak, c'est pas l'auditeur là. Ouais, tu vois, c'est ça, allez. Gérard. Laisse-le. Toi, il y a une différence. Bon, allez. Bon, Gérard, c'est de la bombe, ça, l'épisode. Gérard. C'est simple, j'ai pas fini donc. Bon, dépêche-toi. S'ils s'ennuient vraiment, à mon avis, ils peuvent même aller jouer au flipper, style Sugar Ray par exemple, le flipper qui marche pas, ou la PlayStation. D'accord. Gérard Reza Sec. Ouais. Alors je veux dire que bon, les routiers pendant sa nuit, ils peuvent appeler leur famille, hein. Ils sont pas tout seuls, ils doivent avoir des enfants aussi, les routiers. Non ? Ben, à mon avis, s'ils sont sur la route, ils peuvent pas être chez eux, hein. Ils travaillent pas 7 heures par jour. Non, mais ils peuvent avoir un portable pour appeler de leur voiture. Un portable. Petit téton. Bah, ils écoutent la radio. Ah d'accord, carrément toi. C'est une réponse intelligente. Hein. Ah ouais, ben je vois. Couille de loup. Non, moi j'ai essayé de taper une grosse. Allô, Gérard. Ah, ta gueule. Oh, mais j'ai un peu. Ouais. Allez, vas-y, cochonne. Couille de loup. Attends, la cochonne, t'emmerde toi. T'as une cochonne, une salope. Oh, tu te calmes, t'énerves, toi, ou se calme? Ouais, c'est clair. C'est clair. Attends, heureusement que je suis pas embrouillé avec lui. Parlez pas comme ça aux chiennes, les mecs. Oh. Ouais, on pourrait revenir un peu dans le débat avec les auditeurs, parce que c'est n'importe quoi. Ouais, alors. Mais c'est n'importe quoi, tu demanderais peut-être à l'autre, là. Manu? On peut revenir dans le débat parce que c'est n'importe quoi. Là. Non. Gérard, à propos du débat, reviens dans le débat, Gérard, s'il te plaît. Tu m'écoutes? Oui, Rigo. Il y a Rainbow, le vrai arc-en-ciel, qui te demande si un routier a une prime pour Noël s'il travaille pour le réveillon. Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, voilà la question que... Attendez. Ouais. Et ça, c'est dommage qu'il soit parti parce qu'il n'a pas pu approuver, là, non. Une prime, non, mais elle payait double, oui. C'est faux. Bon, attends, toi, tu fermes ta gueule. Hein? Tu fermes ta gueule. Et tu fais du boulot correct. Ok? C'est tout ce qu'on te demande, Manu, merde. C'est tout ce que je te demande. Avant que je te mette une claque dans... Dans le museau. Fais le con. Fais le con. Tu vas voir tout à l'heure. Tu vois ce qu'il reste de cochon. On y va. Alors... Ah, on est plus en antenne, c'est bon. Chut! J'ai pas répondu, ouais. Allô, Gérard! Ah, ta gueule! Ah, putain, t'as blague, couillon! Ta gueule un peu! Voilà. GG, c'est chut! Ouais. Moi, je voulais te dire que j'ai connu des routiers qui, quand ils s'emmerdaient, bah, tout simplement, ils classaient, ils avaient des collections de calendriers de cul. Allô, Gérard! Ils classaient leur calendrier de cul, quand ils se faisaient chier, pour couper. Et je voulais savoir si tu confirmais. Oui. Gérard, t'as même pas écouté la question. Ouais, c'est pas poli, Gérard, tu fais mal. J'ai très bien compris, et je vais te dire une chose. Ouais. Vas-y, dis ta chose. Vas-y, dis une chose, Gérard. Moi, je peux vous dire une chose, que les routiers n'ont pas de calendrier de femmes à poil dans leur camion. Vous mentez tous. Vous êtes tous des menteurs. C'est faux. N'importe quoi. Des conneries. On est pas toxiques, c'est pas pareil. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, GG? Tu réponds à la question? Ah, c'est Tony, ça. J'ai déjà répondu tout à l'heure, donc voilà quoi. J'ai déjà dit que quand ils se faisaient chier, ils se tapaient des petites pignoles dans leur cabine. Ah, ça dépend, s'ils sont à deux, ils font deux ici mutuellement. S'ils sont à deux, ils font deux. Il y a pas de problème. On est une claire, comme sur mon frigo. Non, troisième question. Un couche. Allez, Gérard. Allez, allez, allez. Attendez, Gérard, en train de dealer un truc. Mais non, il n'y a pas Tony, arrête tes conneries, il n'y a pas Tony. Gérard, pour calmer le débat, il y a Scone sur l'IRC qui souhaite un joyeux Noël à tout le monde quand même. Ah, c'est ça. Eh ben, c'est bien, on souhaite un joyeux Noël aussi à toi. La foutre. Moi, je t'emmerde, toi. Peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier? Ta gueule. Eh ben, Gérard, j'ai pas entendu. Tu peux m'écouter? Ouais. Peut-on quoi? Peut-on tricher sur une fiche de paye d'un routier? Tout à fait. Chacun son tour, allez-y. Alors, n'importe quoi. Ouais, je pense. C'est possible. De faire des cartes bancaires sous Linux, sur un ordinateur, tu pirates ton salaire. Et c'est bon, il n'y a pas de problème après. Tu gagnes le pognon que tu veux par mois. D'accord. Chute. Ouais, moi je pense qu'on peut pas triquer sur une fiche de paye de routier. Tu peux préciser? Bah, vu les sommes qu'il y a, je crois qu'il n'y a pas de quoi triquer, quoi, tu vois. Ok. Ouais, de 1 franc, tu passeras à 2 francs, quoi. Ouais, mais ça fait pas triquer. C'est couche de loup. Ouais, non, moi je pense pas, parce qu'ils doivent pas avoir le QI assez élevé pour pouvoir piger comment on fait. De quoi? Non, je dis, je crois pas qu'ils doivent être assez intelligents pour comprendre comment on fait pour ouais. Enfin, si c'est la feuille. C'est vrai que non, mais attends, peut-on tricher? Déjà, je me demande comment. Peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier? Ouais. Je vais dire une chose, que c'est le patron qui triche. C'est pas le routier, d'accord? C'est faux. Bon, toi, Manu, tu fermes ta gueule maintenant. C'est faux. Bon, Manu, tu dégages, tu fous le camp à l'arrière. D'accord. Ah non, bah non. Non, mais c'est bon, attendez. Faites un débat correct, on verra après. Non, mais attends, pour l'instant, il est en train de me foutre de la merde. Petit téton. Tu viens chez moi après, Gérard? Ta gueule. Je peux parler? Oui, ben je sais pas du tout répondre à cette. Non, mais oh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Max? Tu lui demandes tu pas oh tu me demandes qu'il me passe du bon boulot là pour la dernière de l'année ou pas? J'étais pas là moi. Non, t'étais pas là, t'étais où bâtard? Non. Je t'ai arrêté ma cassette vidéo là. Ouais, t'étais arrêté ta cassette vidéo. Ah ouais, moi de toute manière on va pas durer jusqu'à 4h du matin. Hein. Tu viens chez moi un peu, Gérard. Bon. Qui c'est qui a donné tout ça aux auditeurs? J'ai personne à l'antenne. Non, c'est pas possible là. Allez hop, envoie-moi la musique et attends, c'est tout. Attends, j'ai pas de disque là, Gérard. Envoie, je m'en fous, je veux pas le savoir. Envoie la musique, allez. Pourquoi hop, envoie la musique. Bah attends, je vais en trouver alors. Je veux pas le savoir, tu te démerdes. Qu'est-ce que tu m'envoies un truc. Attends, moi j'ai des questions pour toi, pour calmer le débat auquel tu peux répondre. Alors, il y a... Attends que je retrouve. Il y a Chandler Levret sur l'IRC qui te demande combien représente le salaire d'un routier. Bah justement, ça... On se calme un peu. Hein. La question, on n'en est pas non, là. Non, mais réponds. La question, combien... Non, mais Gérard, à chaque fois que je te pose une question, tu dis c'est pas la question, on viendra plus tard. Non, mais tout de suite. Combien tu gagnes un routier? Voilà. Bon, un routier, à l'heure actuelle, si tu veux, gagne entre 10 000 et 15 000 francs. Okay. Donc, selon le là où il s'en va. Oh là là. Bon, toi, tu vas me faire du bon boulot, Fildar. Attends, je cherche. Non, mais tu cherches, tu vas pas chercher longtemps parce sinon moi, le débat il s'arrête et on va laisser Rousseau. Ouais, attends deux secondes, j'ai trouvé un truc super là. On peut pas laisser Rousseau, il joue à la PlayStation. La disco, tu veux de la disco? Bah, je m'en fous, tu mets ce que tu veux, mais moi, soit que Yannin, il fait du bon boulot. Non, mais si Manu faisait du bon boulot, il n'y aurait pas de problème, hein. Soit qu'on fait du bon boulot, on continue. Ouais. Soit. Ouais. Que j'arrête maintenant. Non. Gérard. Et si j'arrête maintenant, on est combien? Non, mais non, on n'arrête pas là. On est presque 5000, on est 4852 moins 4. C'est très bien, j'aimerais bien qu'on booste bien. Les gars! Et il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui c'est, sur l'IRC qui te demandait le salaire, ça fait combien en euros? C'est pas la question. En euros, là, je peux pas trop lui répondre parce que l'euro, il y a 6... Il est à 5,57 là. Non, 6,50. Il est à 6,50, ça devrait faire 6500 euros. Oui. Il y a plus de 10 000 euros de ça. Au lieu de dire que c'est faux et de bouffer ton gobelet, quand Max y parle, tu la fermes et tu me calmes les auditeurs avant que moi je te calme. Ouais. Okay. Bon alors les gars, on fait une réunion. Gérard, qu'est-ce que t'as à dire? Pour l'instant... Eh oui, Filard fait du bon boulot. Pour l'instant, oui. Rigo, là, Rigo, c'est bon, mais l'autre, parce qu'il n'est pas avec son bébé rose, il fout de la merde. Comme avant. Il est en train de nous foutre de la merde. Non, c'est pas vrai, je te bosse bien. Mais si. Oh, je fais du bon taf. Mais non, pour l'instant, t'es en train de me faire de la merde, on est qu'à la troisième question, et il y a 23 questions en tout. Eh ben, on a le temps jusqu'à 4 heures, c'est quoi? Ouais, cool. Ben, tu crois que je vais durer jusqu'à 4 heures, ça m'étonnerait. Bah, si. Je crois pas. Bon. Parce que c'était prévu qu'avec Max, si ça se passait mal, on arrêtait à 3 heures, et je pense que je vais arrêter à 3 heures. C'est bien, là, pourtant, parce que... Alors, on va s'écouter... Moby Dick avec des proutes en plus, et on se retrouve aussi toi après. Les débats, pas de radio, mais pas d'insulte. De Gérard. Et voilà, vous êtes toujours sur PN Radio, il est exactement 1h55. Donc, pour ceux qui sont encore en plein réveillon, ben, bon réveillon de Noël. Nous, on est... Ça m'étonnerait qu'il y en ait encore à 2h qui mangent la dinde. Ah bon? Bon, t'inquiète pas, il y en a encore. On peut la manger jusqu'à quelle heure, la dinde? Je sais pas. Il y a peut-être des mecs qui baisent, hein. Bon, Manu. Ouais. T'éteins ton micro pour de bon maintenant et tu t'écrases. D'accord. Okay. Je disais, il y a peut-être des mecs qui baisent. Ils vous cadonnent. Bon, tu t'écrases, c'est tout. D'accord. Donc, je sais qu'il y en a qui sont sur les routes. Ouais. Donc, prudence à eux. Donc, Ils font réveillon sur la route? Non, peut-être pas. Quoi. Non. Oui, Rigo. Oui, je voulais juste dire qu'on a dépassé les 5000. Ouais. On est à 5123,4. Ouais. Donc, si tu peux les remercier. Ben, je remercie tous ceux qui sont sur l'internet. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. C'est pas assez, hein, 5000. Une bonne et heureuse année 99, parce que j'aurai pas l'occasion de vous avoir pour le réveillon. Ouais. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on récupère n'importe quoi. Eh, hey, tu viens chez moi après, Gérard? Oh, ta gueule, toi! Oh là là. Ouais, c'est moi. N'importe quoi. Ah, je vais passer à l'entrée d'ailleurs, là, dans 5 minutes. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Et je baisse dans une demi-heure. Et moi je t'emmerde. Bon, n'importe quoi. Hey, tu bonsoir, GG. Oh. Joyeux Noël à toi. Chut. Ouais, salut, bon 14 juillet à tous. Ouais, c'est ça, joyeux Spike. Couche de loup. Ouais, salut. Petit téton. Salut. Raisin sec. Non, excuse-moi, il est parti, on accueille Jean-Pul à la place. Ah ouais. Jean-Pul, ça revient. Salut, GG. Non, mais alors, attends. Manu. Ouais. Un conseil que je te donne. Ouais. Tu fais une chose, tu me prends sur les deux lignes qui sortent. J'ai passé un nouveau. Non. Ah si, je suis désolé. Tu prends sur les deux lignes. Alors, c'est comment? Jean-Pul. C'est Jean-Pul. Ouais, attends. Jean-Pul. Ouais, non, Jean-Pul. Bon, alors, avec tu te merdes, tu me fais une fiche propre. Une fiche propre, quand même. Alors, la question... Ben, peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier? Donc, je pense que vous avez réfléchi. Ouais. Donc, oui. Oui, tu m'as oublié. Ben, je t'écoute. Rebonsoir, Gérard. Ben, rebonsoir à toi. Donc, allez-y, posez. Ouais, c'est chute. Ouais, chute. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que si les routiers, il fallait qu'ils trafiquent leur fiche de paye, il faudra déjà qu'ils sachent compter. Non, mais attends, chute. Oui, chute. Écoute-moi bien. Oui, chute. Ça peut-on tricher sur les fiches de paye d'un routier? Oui, ben justement. Si, il faut qu'il triche. Attends, celui qui rentre derrière, arrête. J'en pull. Alors, il faudrait qu'il sache compter, et je pense, bon, je me permets d'émettre un léger doute, quoi, tu vois. Mais je crois que ça se faisait par ordinateur, maintenant, les fiches de paye. Ouais, mais de manière, faut dire une chose, qu'il y a certains patrons qui trichent quand même sur certaines fiches de paye. Ouais, mais sur les leurs, pas sur celles de leurs employés, si. Puis on rappelle. Ils retirent de l'argent sur leur paye, alors. Bon, alors. Mais comment ça se passe, un routier, c'est payé au kilomètre, comment? Non, c'est pas payé au kilomètre, en fin de compte, c'est payé comme une personne. Ah, tu m'excites avec tes moustaches. Oh, ta gueule! D'accord, maintenant tu m'emmerdes, toi. Ouais. Voilà. Donc tu disais, GG? Non, mais en fin de compte, c'est pas payé au kilomètre. Au kilomètre, c'est payé comme à l'heure, toi et moi. Non, mais c'est payé comme toi et moi. D'accord. Par exemple, le mec qui va rester 20, deux nuits, ça va être payé un peu plus cher. Et ainsi de suite. D'accord. Par exemple, il doit faire 39 heures par semaine comme un employé. Ah non, non, non. Non, non, c'est pas 39 heures. Non, non. Non, non, parce qu'il faut se dire une chose, que les routiers, ouais, à l'heure actuelle, passent plus de temps sur les routes que chez eux. Donc, ouais, faut bien se mettre à la place d'un routier. Mmh. Voilà. J'y étais, donc je peux savoir ce que c'est. D'accord. Et je vais te dire une chose, que, bon, j'ai pas fait de la route. Ouais. Hein, mais ceux qui font de la route ne sont pas tout le temps là. Ah, d'accord. Gérard, oui, il y a Sardine de Marseille qui te demande, est-ce que tu as déjà trouvé des routiers abandonnés par leurs camions sur les aires de repos d'autoroute? Des routiers abandonnés, des routiers qui font du stop pour rentrer chez eux les week-ends, oui. Mais des routiers abandonnés, non. Jamais. Ouais. GG. Oui. Oui, je voulais savoir, on m'a dit que être routier, c'était un métier qui nécessitait de la sueur. Mmh. Tu sais que c'était un métier dur, qu'il fallait transpirer et tout. Et je voulais savoir si c'est pour ça que dès tout jeune, tu avais trouvé ta vocation dans ce milieu-là. Très clair. Alors, je vais te dire une chose que... Ouais. Laquelle? Oh, tu te tais, toi. Ouais, vas-y, j'y réponds. Un routier, donc c'est toi qui viens de poser la question, ouais, c'est comme... C'est chute. Ouais. Donc ta question, tu peux me la reposer, s'il te plaît. Donc je te disais, il paraît qu'être routier, c'est un métier qui demande de la sueur et de la transpi, et je voulais, ouais, savoir si c'est ça qui, dès ton enfance, t'avais quand même donné ta vocation pour savoir ce que t'allais faire plus tard. Alors moi, je vais te dire une chose, qu'un routier, ouais, transpire beaucoup, ça c'est vrai, mm-hmm, parce que faut se dire une chose, que certains routiers sont obligés de décharger. Ouais. Pas tous, mais certains. Ouais. Donc d'autres, quand ils arrivent, ils sont dans la cabine, ils dorment et. Oh là. Oh là, celui-là il va se faire virer une fille, non? Manu. Ah bah continue, GG, continue. Oui. Manu, tu fais ton boulot correct ou pas? Tu fais ton boulot correctement ou pas du tout? Correct. Ou tu vires? Ah, correctement. Hein? Ou tu retournes voir ton bébé rose. Ouais, GG, t'en étais au problème de décharger. Vas-y. Donc, t'as certains routiers qui sont obligés de vider leur camion, ouais, d'autres non. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils se mettent à quai, ils sont dans leur cabine et ils dorment. Ouais, mais pour le problème de la douche, GG, ils font comment les routiers? Parce qu'il y a un lit à l'arrière du camion, mais il n'y a pas de douche. Non, mais pour les douches et tout ça, ouais, ils s'arrêtent dans... Bon, je réponds à chute. Ouais. Ça, pour cette histoire de saver, ils peuvent s'arrêter dans des aires de repos. Il y a des douches spécialement qui sont dans les aires de repos, qui peuvent se laver et tout. Ouais, mais ils se lavent pas souvent, du coup. Si. Et je voulais savoir si toi, pourquoi, depuis que tu avais arrêté le métier, tu avais quand même gardé des manières de routier, quoi. Ah ben ça... Même si t'es plus dans le métier, je veux dire, tu transpires encore beaucoup et tu te laves pas souvent et tu décharges pas mal. Non, non, mais attends, je transpire beaucoup parce que là, il y a même plus de ventilation dans les studios, je sais pas pourquoi. Ah, ils ont déménagé la ventile. Hein. Ouais, mais là, ça devient inadmissible. Gérard, il y a le vrai canard WC sur l'IRC qui te demande pourquoi les routiers pissent sur le long des routes et pas sur les aires de repos. Non, mais attends. Ça c'est complètement fou, il n'y a jamais... Non, chute, tu te tais. C'est une anecdote. Non, mais je réponds, je peux prévenir tout de suite, là. Je réponds à Canard WC que c'est faux, qu'il n'y a aucun routier qui s'arrête sur les bandes d'arrêt d'urgence. Hein. Non. Les bandes d'arrêt d'urgence, c'est fait pour quoi? Pour les arrêts d'urgence. Alors vas-y. Moi, le mec, il était pas arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il était garé en triple fil sur l'autoroute et le mec, ouais, tranquille, il pissait. C'est ça. Ah bah, tu prendras pas les gens pour des cons, toi? Non, mais je fais réel. Non, tu les laisses. Que transporte un routier en fin de journée? Oui, oui. Là, tu m'excites avec tes moustaches. Ta gueule. Ouais, c'est chaud, c'est fort. Tu m'excites avec tes moustaches. Alors, c'est n'importe quoi, GG, je vais répondre. Gérard, tu m'excites avec tes moustaches. Bon, vas-y, joue. Oui, Gérard. GG. Chut. Ah, vas-y. Je voulais te dire qu'un routier, bah, après avoir déchargé toute la journée, à mon avis, à la fin de la journée, il est vide, quoi. Ouais, mais... Il t'arrode à sec. À ton... Pour toi, il est vide. Ah oui, il est vide, il t'arrode à sec. Moi, je pense qu'à mon ami, il repart chargé pour aller vider quelque part d'autre. Hein. Ah non, faut mais qu'il s'arrête quand même. Non, mais attends. Tu peux pas décharger si tu récupères pas au moins un quart d'heure ou une demi-heure entre deux décharges. Y a pas de problème. Non, mais attends, c'est pas un quart d'heure, une demi-heure. Bah, tu t'épuises si tu fais pas une petite sieste. C'est pas un quart d'heure, une demi-heure qu'il faut, c'est deux heures de repos maximum. Bah, tu vois, donc il faut bien se reposer entre deux décharges. Maximum. Ok. Ok. Ok. Alors, n'importe quoi. Ouais, à part transporter des dindons et des cachalots, je vois pas tout qui... Bon, alors, n'importe quoi, c'est terminé, hop. Bah, c'est pas méchant. Dindons et cachalots, moi, je t'emmerde. C'est pas pour toi, Gégé. Moi, je t'emmerde. Mais je te kiffe, moi. Je t'emmerde. Ça parle pas de Sandy. Hop, terminé pour lui. Bon, allez, hop, au standard. Hop. Non, mais c'est bon pour lui. Allez, chute, au standard. C'est pas chute, hein. Merci, c'est chute qui a dit ça. Oh, gamin. Bon, Gégé, c'est là. Voilà. Voilà. Lui, c'est terminé. Appelle pas lui. Au revoir. Alors, chute. Ah bah non, je viens de te répondre, GG. Je viens de te répondre, mon GG. Ah, tu viens de répondre? Ah oui, oui. Coute de loup. Je vais bien faire une autre. Tu répètes la question, s'il te plaît? Allez. Alors, c'est la dernière fois que je répète la question. Que transporte un routier en fin de journée? Gérard? Oui. En attendant, il y a un Rainbow, le Var arc-en-ciel sur l'IRC, qui te demande si quand tu étais routier, est-ce que tu as été attaqué par le gang des chasseurs de routiers sur l'autoroute? Non, des mecs qui volent les cargaisons. Ouais. Ça c'est vrai, ça s'est produit en Russie, je crois. Il y a un routier qui s'est fait agresser et ils ont piqué carrément son camion plus la cargaison. Carrément? Ouais. Et ça coûte cher un camion? Un camion, je peux te dire une chose, que c'est dommage qu'on n'aille pas de qu'ils soient plus là les routiers, mais un camion ça vaut plus de 150 000 francs. Hein. Ouais, carrément 150 000 francs. 150 000, hein. Ah bah ça avance. C'est pas trop cher, hein. Ouais, bah attends, ça dépend ce que tu prends comme camion. Hein. Une bonne prostituée. Donc, oui, Rigaud. Excuse-moi, j'avais éteint mon micro. Sinon, il y a Chanteleur qui te demande comment fait un routier, puisque tu disais qu'ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent qu'aux heures de repos pour faire leurs besoins, mais comment ils font quand ils ont la diarrhée et qu'ils sont dans leur camion? Ben, ils peuvent s'arrêter, mais dès qu'ils trouvent une aire de repos, hein. Ben ça, justement, c'est des questions. Ouais. Mais elles vont venir après, les questions. J'ai l'impression que l'Internet, ils ont les questions, non? Non. Attends, Fildar, c'est moi qui... C'est mes débats, donc c'est moi qui commande. Ok. Donc... là, pour dire une chose, qu'en fin de compte, on va. Oh, t'es pas dans un salon de thé là. Hey. Oh, on n'est pas dans un salon de coiffure, ni chez papa maman là, hein. Oh, on se la ferme quand je parle un peu. Alors. Fermez la porte alors, ouais. Oh, ça veut dire quoi là? Vous jetez dehors et c'est tout. Ok. Vous allez jeter dehors. Ouais. Bah, tu vas voir tout à l'heure, toi, je vais te kiffer, moi. Je vais te mettre une baffe dans. Moi, je vais te mettre une baffe, tu vas voir. Une bombe de routier, tu vas voir ce que ça donne. Ouais. Bon, ça va essayer de faire une petite marque, mais bon. Fais gaffe. Alors, on était où, nous? On parlait de quoi, là? On parlait des questions Internet. Ah, ouais. Ouais, donc, ouais. Les questions, là, sur Internet, donc, je vous en supplie, répondez aux premières questions, parce que le deuxième... Non, ils répondent pas, ils t'en posent. Bah ouais, mais c'est la suite. Ça sera le deuxième. Tu vois, il y a Sardine de Marseille qui te demande si t'as déjà posé pour un calendrier de routier. Mais non, mais ça, là-dessus, non. Moi, je voudrais combien qu'on est maintenant sur Internet. Allez. On est 5288. Oh, ça a baissé, là. Non. On était 5300 tout à l'heure. Non, 5144, on est. Non, ah, d'accord. On est 5200. Ah, d'accord. Excusez-moi. Ouais. À la place de n'importe quoi, on accueille Billy. Allô? Ouais, bonsoir. Oh, salut Billy. Salut Billy. Alors, bon, la question, que transporte un routier en fin de journée, Billy? Tu peux répéter la question? Merde! Oh, ça va répondre. Vas-y, Billy, vas-y, je suis à l'antenne. Oh, putain. Non, t'es en antenne, là, connard. Bon, laissez parler le gamin, là. Ouais, le gamin, là, accouche. Ouais, moi, je pense qu'il transporte des cadeaux pour aider le père Noël. Manu. Non, à mon avis, je pense pas. Oh, je pense que c'est pas mal, il m'a fait pas mal de cadeaux, et voilà. Non, mais ça va, le mec avec son klaxon de mariage, tranquille. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un klaxon de routier, ça, hein. Non. C'est connard, ça. Attends, Billy, tu dégages. Au revoir. Allez. Coup de loup. Tu peux répéter la question? Non. Mais je joue, j'ai rien Gérard, calme-toi. Il y a Scon sur l'IRC qui te demande si les conducteurs de J9 font partie des routiers. Alors, J9, c'est des véhicules légers. Non, mais ça y est, toi. Moi aussi, merci, Cathy. Non, mais, moi aussi. Y est, oh. Tu veux une tartine, GG? Ouais, oh. Tu veux une tartine ou pas? Eh, tout à l'heure, je t'en mets une tartine, moi. Gérard, tu vas l'avaler. Ouais, deux, trois tartines, ce serait bien. Tu peux répéter la question? Oh là là, oh, putain, vous commencez à me casser les couilles, hein. Allez, on enchaîne. Billy, il a mis la merde, alors on n'a pas entendu. Mais non, couille de loup. Ouais, bah, je pense qu'il transporte d'autres trucs. Tu peux préciser? Bah, je sais pas, moi, il a déchargé, après il remballe d'autres machins, et puis il se barre, il continue sa tournée. Eh bah, voilà, enfin. Oh, bah alors. Voilà, enfin, une bonne question. Bonne réponse, plutôt, ouais. Eh ouais, voilà ce que j'attendais. Téton. Petit téton. Gérard, t'es beau. Ta gueule. Il peut tout transporter. Allô? Bah, je sais pas, moi, n'importe quoi. Ça fait rire. Tu te réveilles un petit peu, petit téton, là? Ouais. C'est quoi, ça? C'est ta grosse. Bon, allez. Allez, dégage, là, allez. Allez, hop. Vas-y, enchaîne. Hop. Jean-Pul. T'es beau. Sandrine. Jean-Pul. Ouais, je suis là. Bonjour. Eh bah, je sais pas, Gérard, t'es beau. Oh, non. Comme un camion. Allô? Oh là. Bon, et moi, j'attaque le deuxième. Hop, terminé. Pour attends, Gérard. Oui, Rigo. Il y a... Voilà, c'est Oxide sur l'IRC qui te demande par où rentre le Père Noël dans les camions vu qu'il n'y a pas de cheminée. Le pot. Par les portes. Ah, ok. Voilà. Bon. Fildard. J'aimerais répondre. Fildard. Il est parti chercher sa tartine. Sinon, Gérard, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande pourquoi tous les routiers sont-ils vulgaires. Pourquoi que les routiers sont tous vulgaires, t'en as certains, mais pas tous. Donc, oui, mais pourquoi? Non, il y a tous les routiers ne sont pas vulgaires, ça c'est faux. Ouais, mais pourquoi ils sont vulgaires? Non. C'est faux. Non. Non, mais tu dis pas non quand je te demande pourquoi. Pourquoi ils sont vulgaires? Voilà. En fin de compte, on n'a jamais été vulgaire vis-à-vis des gens. Non, mais est-ce que vous êtes grossier, alors? De quoi? Est-ce que vous êtes grossier? Dans quel sens que tu veux... Non, parce qu'il y a aussi le pape, le vrai pape, sur l'IRC, qui me dit qu'un routier, quand tu le regardes, il fait une sale gueule, toujours, au feu rouge ou sur l'autoroute. Ouais, non, mais attends, on a toujours l'impression qu'un routier, c'est malheureux. Bah ouais. C'est vrai ou pas? Bah pourquoi? Bah bien sûr, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils passent trop de temps sur les routes. Ouais, mais c'est leur métier. Bah oui, mais de toute manière, tout le monde, comme je l'ai dit dans un best-of. Dans ton livre, oui. Non, dans un best-of, chacun voit midi à sa porte. Le routier, il a choisi de faire ça, c'est son boulot. Donc faux! Oh putain, mais ta gueule à toi! J'ai rien dit! Donc, les routiers ont choisi leur boulot, c'est leur métier. Mmh. Maintenant, s'ils veulent pas faire ça, ils le font parce qu'ils peuvent rien faire d'autre. Ouais, mais attends, un routier, s'il choisit, c'est sa vocation. S'il choisit de faire ça, c'est sa vocation. Ouais. Donc, un routier, pour moi, c'est quelqu'un qui est né pour faire de la route. Qui est né pour faire de la route, dans un sens, si tu veux, oui. Mais en fin de compte, il peut très bien changer après. Si ça ne plaît plus, il peut changer. Ah, il peut faire quoi, des chemins? Non, mais il peut changer. Il peut se retrouver employé de bureau ou animateur radio. Bah oui. Comme moi. Bah oui. Voilà. C'est beau. Ta gueule. Donc on s'écoute. C'est bon. Oui. Ouais, alors il y a Nassim qui te demande pourquoi tous les routiers ont-ils une moustache. Si oui, est-ce que cela leur sert d'airbag? Non. Alors, tous les routiers, il y a des routiers qui ont des moustaches, mais ça ne sert pas d'airbag pour quand ils ont un accident. Mmh. Donc, voilà la réponse. Alors, sinon, il y a Sardine sur l'IRC qui dit que, comme tous les routiers sont des PD, est-ce que les lesbiennes ont le droit d'être routières? Ah, une bonne question. Non, alors, tous les routiers ne sont pas des PD, déjà une pour commencer. Ouais. Hein? Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà, c'est tout. On s'écoute. Ah, tu m'as posé une question avant quand même, qui réfléchit. Eh ben, Alors, que pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons? Donc, allez, on s'écoute. Accouche. Putain, mais ton boulot, au lieu de bouffer, là, il devrait être fait. C'est pas grave, rappelle les numéros de téléphone, l'internet. Donc, alors, vous pouvez toujours nous appeler au 0800-70-5000, 0800-3-70-5000. Non, c'est pas ça du tout. Quoi? Dis les numéros correctement, on les dit pas. Attends, je le dis pas, abruti. Non, mais les dis pas, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça le vrai numéro, dis le bon numéro. Quoi, c'est 0870-5000 et 0803-70-5000. Non, 0803-08-5000. Eh ben alors, t'as qu'à les annoncer, toi. Bah, tu les toujours www.fr. Et Rigo vous attend. Et Rigo, tu peux nous dire combien qu'on est là. Ah ouais, dis-le. Ça monte, 5432. Ouais. J'ai l'impression qu'avant 4 heures du matin, on va aller à 6000. On va s'arrêter. C'est faux. Arrête. Toi, tout à l'heure, je vais te mettre une baffe et tu vois, ça va être faux. Alors, on s'écoute les petits poussins avec des vers dans l'arrêt et on se retrouve tout de suite après. Vous venez d'écouter Petit Poussin avec des verrues. Des verrues dans l'arrêt. Et vous êtes toujours sur Fun Radio. Il est 2h19 du matin. Donc joyeux Noël à tous, malgré qu'on ne l'a pas assez annoncé. Ah oui, tu l'as pas assez dit, tu l'as dit au moins 200 fois déjà. Ouais, mais alors c'est normal. Tu voulais dire quoi? Je voulais dire qu'à la place de Billy que t'as dégagé sauvagement, on accueille Marcel et c'est un routier. Ah, enfin! Marcel, bonsoir! D'accord. Salut Marcel! Bonsoir tout le monde! Salut Marcel! Salut bien! Bonsoir, le 27! Oui! Ok! Bonsoir! Ok, je t'appelle! Et qui c'est qui a regardé tes favoris là? Non mais tu le calmes là ou quoi? J'ai rien à calmer moi! Non mais ça va pas! Alors, la question. Ouais. Gérard? Allez hop! Oui! Je voulais juste dire que sur l'IRC, on a dépassé les 5500. Oh là là, 5630,2. Et je salue Ice-T. Ok, eh ben, on salue tous les gens. Boostez un peu, là, il y en manque 500, là. Vas-y. On salue tous les gens. Ok, alors on salue Lara. On salue Seb, on salue Tony. On salue David Tony. Non, il est pas là, il est à Lille. On salue quand même. On salue Acta, on salue Canard VC, Chamicha, Chand, Chocapic, Izen, Geoffroy, Ouls. Ice-T, je viens de le citer, le Pape, Malcolm X, le vrai, ressuscité, Miss Lover, Nassim, No Live, Paradox, Sardine, Scorpion, Sean, Symbole, Thanatos, ça a rien, mais bon, c'est pas grave, Titoff, Turpentine, Zirt, Keneda, Steph, Redox, Olio, Acid, Enk. Ça y est, c'est bon, Rigo, c'est bon, ça y est. Ouais. C'est Marcel, il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais, vas-y. Sur mon ordinateur, je tape www.fr, j'arrive pas à aller sur le channel Fun Radio. Alors, le channel Fun Radio, c'est www.fr, Fun Radio. Ah, d'accord. Merci. Ok. D'accord. Alors, en de bon entendeur, salut si tu veux pas participer au débat. Mais bien sûr que si, mais c'était juste pour me renseigner. Bah, c'est qui, toi? Je suis Marcel. Bon, bah alors. N'importe quoi. Alors, que pensez-vous que les routiers sont de vieux cochons? On va demander, à Chute. Ouais, écoute, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est des gros pervers. Ouais. Je crois qu'on peut pas nier quand même que ça se pignole dans les cabines. Et tout à l'heure, il y avait le Pape, je crois, sur Internet qui demandait pourquoi ils faisaient la grimace. Bah, tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur leur branlette, c'est tout. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Ok. Couille de loup. Ouais, moi je pense qu'il y en a plein, ouais. Mais il faut les voir, ils roulent toute la journée, alors forcément... Non mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Le fond de ma pensée, ouais, c'est qu'il y en a. Rigo, ouais, il y a Sardine de Marseille sur l'IRC qui te demande si tu peux faire une pause parce qu'il voudrait aller aux toilettes et il a pas la radio aux toilettes. Non, il y a pas de pause, c'est plus de pause là. Là, la prochaine pause, c'est pas avant 3h. 2h30, 3h moins le quart à peu près. Et c'était de qui le copyright? Oh mec, je sais pas compris ça. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Qui c'est qui vient de répondre, c'est Couille de loup? Ouais, j'ai petit téton. Ouais, moi je trouve que c'est tous des vicieux et à mon avis ils ont des photos porno dans leur camion. Ouais. Non, moi je te dément. Si. Je dément. GG. C'est qui? C'est Mortel. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Bon. Jean-Pule. J'en pull une fois, j'en pull deux fois, j'en pull trois fois. Au revoir. Il est là, Gérard. Il est là, si tu criais pas, non, si tu criais pas, tu l'entendrais. Gérard, crie pas, tu fais mal aux oreilles. Ouais, ben, je te fais mal aux oreilles, t'es avec un wetman? Non. Non? T'es avec la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave? Ouais. Vous t'entends plus, on cul ta soeur? Oh, quel comique. Tu parles pas de la famille. Voilà. Alors, j'en pull. Bah, je suis d'accord. D'accord. Alors, toi, t'es d'accord sur la question, c'est tout ce que t'as à me dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, bah, alors, c'est bien. Ah, bah, Sardine. C'est bien, si t'es d'accord, alors Sardine. Sandrine. Sandrine. Ouais, ça fait un moment que je gueule parce que j'étais pas à l'antenne. Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que ce sont des gros dégueulasses et qu'ils mettent plein de poupées espagnoles dans leur camion. Je sais de quoi je parle. Tu peux me préciser le point de ta pensée? En tout cas, les gens, les hostiers, bon, quand ils prennent leur retraite chez eux, ils mettent des poupées espagnoles sur leur armoire. Et dans les camions. Voilà. Alors, Marcel. Ouais, GG, d'ailleurs, je vais faire un CTX avec la Chimie, là, il y a tout le monde qui te salue. Hein. Non, mais tu réponds à la question, s'il oui. te plaît. Faut pas dire que les routiers sont des pervers. Bon, moi, j'ai quelques magazines, mais ça va pas à plus de 400 pignoles par jour. Donc, voilà, quand même. Hein. Au revoir. Le 28, sinon. Ouais, non, mais je t'écoute. On les voit déjà. Il y en a un tout à l'heure qui va se prendre une bouteille de coca, ça va lui faire tout drôle. Ça, c'est déjà le mal, parce que ça va prendre facilement dans la gueule, ouais. Hein? Ça se marre, GG. N'est-ce pas, Fildar? Gérard, est-ce que t'as mangé le pâté qu'un auditeur t'a offert, là? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Non, parce que j'ai pas... Combien gagne un routier en euros? N'importe quoi. Tac. En euros? Combien gagne un routier en euros? N'importe quoi. Manu! C'est la dernière fois que je te demande de faire ton boulot. Ok. Sinon, tu sais ce que tu fais. Tu prends tes clics et tes claques. Ouais, et tu vas voir ton bébé rose. D'accord. Entier. Ok. Et on va mettre Sandy à ta place au standard. Oh ok, bah, je commence à ranger alors. Ouais. Bah, tu peux. C'est de la place, c'est de la place. Tu peux commencer à ranger si ça va pas. C'est de la place, Manu. Non, ouais. Mais tu peux. Attends, merde, Sandy, d'accord. C'est de la place, Manu. Ouais, bah attends, toi tu dégages. Allez hop. Faut vider le studio là, si ça me vient loin. Ah ouais, bah tu peux commencer à ronger, hein. Bah ouais. Ouais, bah t'inquiète pas. Tu peux commencer là. Qui est la table? Manu. Eh hey, Manu. Ouais. Tu peux commencer à ranger, je crois. Je suis en train. Tu vas dégager vite fait, bien fait. Enlevez la table dans le couloir, vite. Prends mes feuilles. Tu vas vite fait dégager. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, vite fait, hein. Vite. Vite parce qu'on va mettre Sandy là. Non, fais de la place alors. Combien gagne un euro en routier? Combien gagne un routier en euro? Sandrine. Je sais pas très bien en fait. Déjà je connais pas très bien ton salaire de routier, donc en euros je peux pas trop convertir en fait. Alors je vais dire une chose, que l'euro il est à 6,50. Ouais. D'accord. 2000 euros, c'est ça? Oh là là. Ah, mais... C'est pas moi qui dis ça, arrête d'halluciner un peu. Toi, tu commences à me les gonfler. Ouais. Donc, Sandrine? 6,50, qui dit mieux? L'euro, il est à 6,50. Hein. Gérard? Oui, il y a Titeuf sur l'IRC qui te demande dans quel pays il paye en euros. Ah ouais? Non mais ça va toi, si t'as envie de bailler... Non, je baille pas, je fais ah oui. Non mais attends, parce que j'ai pas trop compris la question. Rigo, tu peux me la... C'est bizarre que Gérard comprenne pas les questions. Bah on te demande, dans quel pays on paye en euros? Bah pour l'instant, l'euro n'est pas... Part. Bon, toi tu t'écrases. D'accord. Ok. Hein? Pour l'instant, l'euro, il sort qu'à partir de... Nulle part. De 6 jours. Et toi, t'éteins ton micro, je t'ai dit de... Je t'ai dit, tu prends tes clics et tes claques et tu casses, tu vas voir ton bébé rose. Ok. Et tu nous fais pas chier. Uh-huh. Hein? Donc, l'euro sort pas avant 6 jours. Il sort en fait au début de l'année. Il sort en début d'année 99. Ouais. C'est-à-dire pour le 1er janvier 99, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir des pièces euros, mais on n'aura pas encore les billets. Parce que les billets sont... Ta gueule ! Merci. Donc, je disais donc, ça va être en pièces. Les billets ne seront pas avant 2001 ou voire 2002. Donc pour l'instant, ça sera uniquement qu'en pièces. Mais comment on fait pour acheter une voiture alors ? En plus, il y a Kenneda qui dit que c'est faux. Ah bon ? Ben... N'importe quoi ! Eh ben dans ces cas-là, si c'est faux, qu'elle écoute bien les informations, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, que maintenant c'est dans moins de 6 jours qu'on a l'euro en pièces. Les billets sont pas avant l'an 2000 ou 2002. Bon, enfin... Bref, passons. Donc, Marcel. Ouais. J'étais en antenne. Chida, elle m'a lu mon carnet ou je sais pas qui c'était. Non, mais pour l'instant, tu réponds à la question. Pas très bien entendu. La question, hein, justement. Tu as répondu. C'est bien le salaire d'un routier en euros, d'accord. Voilà. Ok. Alors, ouais, ça doit être tourné aux alentours de 15-20 euros, un peu comme ça. Mm-hmm. Voilà, Michel. Il y en a un qui est en train de le calmer, c'est Manu, parce que pour l'instant, il est en train de me foutre du boulot de merde. Qu'est-ce qu'il fait, Manu ? Bon, Manu, tu disais. Non, je disais les routes viraux rouges, les heures à éviter, tout ça, pour les bouchons. Ça, c'est du journal en plein débat. C'est intéressant. Ouais, voilà. Du journal, lui. Non, mais à part ça, après, il va dire ah ouais, mais moi, j'ai fait du bon boulot. Hein ? C'est faux. Alors que c'est faux, pour un soir, il me fait de la merde. Non, c'est bien, je trouve. Ouais, et qui c'est qui met sa musique là ? Bah, je sais pas, j'ai pas d'auditeur à l'antenne. Ah non, t'as pas d'auditeur ? Ah non, regarde. Au revoir, je te kiffe. Menteur. Jean-Pul. Tu vois, Jean-Pul. Y a personne là. Non, c'est Manu, regarde, là c'est là. Regarde. J'ai personne. C'est bien Gérard, c'est bien Manu. Mais il y avait encore de la musique. Non, il y a pas de musique. Ça vient pas de moi. C'est faux. Ils sont tous en attente là. C'est faux. Tu vois ? Alors, tu me les mets tous en air et tout de suite. Allez, Manu. Ça met pas des auditeurs la musique. Allez, Manu. Je suis perdu. Jean-Pul. Oui, c'est moi. Donc, à toi. En euros, ça doit faire... Donne-lui un coup de Tokyo encore, moi. 4 euros. Ouais, c'est peu, hein. À mon avis, ça m'étonnerait. Un routier qui. Attends, moi je vais dire, Jean-Pul. Toujours même rengueule, hein. Jean-Pul. Ouais, ça sûrement. Je vais te dire une chose, que ça m'étonnerait qu'un routier gagne 4 euros, parce que pour 4 euros, il travaillera pour moi, le mec. Bon. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Hop. Mais tu vas où là ? Non, c'est de la faute de Fidlar encore. Mais non, Gérard, reviens. Gérard ! Oh là là. Gérard, attends, bon, Manu. Ouais. C'est toi qui as foutu la merde, tu vas le chercher. Hein. Ah, ça va pas, non ? Ah, attends, tu vas le chercher, de tu combles. Ouais, parce que là, regarde maintenant, on est. Bon, les auditeurs. Ouais. Vous patientez parce que là, en fait, Gérard est sorti du studio, je sais pas pourquoi. Attendez, alors voilà. Non. Ah, si, il y a Max et il y a Gérard. Allez, Gérard, assis-toi. Tu le calmes. J'ai rien fait, là, non, Gérard. Tu fais rien, tu fais même pas ton boulot. Alors, terminé, toi, dors. Non, mais c'est bon, je vais le calmer. Je vais le calmer deux secondes. Non, Manu, c'est fini. Tu me demandes de le calmer, tu me demandes pas de le zapper. Non, mais ouais, parce qu'on continue pas. Alors, deux, comme ça. Silence. Ah. Manu. Ouais. Tu te calmes. Ok. Ah non, mais... Merci, chef, de m'avoir calmé comme ça. Comme ça. Et là, il va être calmé, hein. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous. Il fait son boulot correctement. Ou pas du tout. Pense au gamin défavorisé qui écoute la radio. Mais attends, il fait un boulot de merde. T'as fait un peu la cité de 9-4. Mais attends. T'es un peu le Père Noël du 9-4, toi. Mais attends, il fait du boulot de merde, là. C'est quoi ce bordel? Il me reprend même pas. Les auditeurs, ils me laissent le nom. Mais sans, non, c'est pas vrai, j'ai un routier. Mais c'est même, non, il n'y a pas de routier. Manu, si, Marseille, non, non, je dis c'est tout. Marseille, c'est un routier, tu t'en occupes même pas. Il est au standard. Ouais. Allez, au standard. Ah non. Si. Oh non. Hop, t'envoies la musique et puis terminé. Allez, hop, passe ça. Allez, hop, 2h30 pour... Non, on est là jusqu'à 4 heures, pause. Hop, pause. Mais ça pose quoi ? Pause, t'envoies un disque. Mais je t'ai même pas donné le disque. Tu l'annonceras. Et on fait une pause, allez hop. On l'annonce après alors. Bah, tu t'envoies, et c'est tout. D'accord. Alors donc, on récupère. Qui c'est qu'on a On a Marcel, Chute, Couille de Loup, Petit Téton, Jean-Pul et Sandrine. 5 sur 5. Rico, il se la raconte. Hein. Ouais, salut. Bon, vous fermez un peu vos gueules. Ouais, salut. Oh putain, mais ta gueule pas avec Gérard. Roger. Ah non, tu me commences à me casser les couilles. C'est pas long. Jamais! Tu vas les calmer là! Ouais. Oh mais merde! Gérard! Gérard! Ah ouais! Je te l'avais dit, Fildar, avec tes pauvres sons là! J'ai tout le monde là! C'est vrai, Rigou, t'es grand! Vous êtes chiant les auditeurs, parce que regardez Gérard, il s'est barré ou quoi? Salut, Fildar, on est venu calmer! Vas-y, arrête, arrête! Non, mais j'aime! Ah, il y a rien! Ils arrêtent pas, les vivants, ils vont se calmer ou quoi? Bah oui! Calmez-vous les auditeurs. Non, arrête, arrête. Mais tu peux arrêter, ok. Et quoi? J'ai rien fait. C'est quoi là? Ça là. Mais c'est un remix. Ouais, et alors? Oh. Et alors, c'est toi qui t'amuses. Mais non, c'est un remix. Mais non, allez. C'est un remix. Putain, mais t'en as ras-le-bol. C'est des remixes de la télé. Tu vas faire du bon, du boulot. Mais moi, ils sont très calmes, mes auditeurs. Non, non, tu vas bosser. Non, mais ça va, non, je vais écouter, je vais surveiller. Le premier qui fait une merde, il jarte. Attends, mais ça se pas combien de connectés sur internet. 5960, Gérard. Putain, c'est 60, merde. 60 pour arriver à 6000, Gérard. Allez, tu vois, j'ai un peu de allez. Ça va, je commence à le ras-le-bol de ta gueule. Ça va tomber par aussi. Oh là là, oh là là. Quel invité? C'est Pierre qu'une gonzesse. C'est bon Gérard, t'es prêt là parce que ça fait une heure. Hein. Non, il a pété son casque. Oh merde. C'est bon. Non, c'est bon, il le répare Gérard. Tu peux quand même commencer à reprendre les auditeurs et tout ça. Hein. Ouais, ouais. C'est bon. C'est là encore. Hein. Ah là là. Là, là. Non, merci chef. Ah ouais. Alors là, j'ai ouais, le bon vieux Arsène là. Merde, il dégage. Allez, non mais là maintenant, ça. Non mais je vais surveiller Manu, je vais surveiller Manu. Alors, chute. Oui, je suis là, oui. Quoi la question? Couille de loup. Ouais. Petit téton. Hé, mais merde! Mais ils sont là, Gérard. Salut, mais attends, il est pas là, Jean-Pul. Quand tu demandes. Ah, tu m'as pas appelé, GG? Non, à peine. Tu me prends pour un con, là. Ça va pas, non? Mais non. Sandrine. Oui, je suis là. Et Marcel. 5 sur 5. Alors, la question. Pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons? Oui. Alors qui, oui? Banane. C'est lui la dignité. Attends, banane, elle s'en fout! Je te fais quoi, là, toi? Putain, t'es là, je vais te claquer ta gueule! Je sais pas d'où elle sort. Putain, de merde! Je sais pas. Tu me fais quoi, là? Bah, je sais pas d'où elle sort, je vais la trouver. Arrête. Putain, c'est pas vrai, hein! Énervé, Gérard, un gourmet qui l'a mangé. C'est le pal qui t'a mangé. Voilà, continue, laisse-le dire des conneries. Bah, c'est toi qui gueule. Faut fumer ta clope, là. Arrête. Hop, allez hop. C'est écrasé. Oh, Gérard, on y va. Hey, c'est quoi, là, ce bordel? De quoi? C'est quoi, ce bruit? Quel bruit? Ouais, tiens, mon cul. Chut. Oui, je suis là. Salut à tout le 9-4 et spéciale dédicace à la saison de fans. Allez, hop, dégage pour toi. Hop, au revoir. Ok, Michel. Hop, couille de loup. Ouais. Tu réponds? Eh ben ouais. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Non, t'as pas répondu à la question. Si. Ah, alors, ouais, ce sont tous des cochons, ouais. D'accord. Et pourquoi c'est des cochons? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que dire un cochon, ouais, c'est un cochon, mais pourquoi il est cochon? Mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à se foutre dans leur camion toute la journée. Ouais. Ils pensent à ça. Ouais, non mais attends, tu crois que le routier il en a pas marre de passer sans pas en penser au cul, non, je crois pas, non. Non mais tu crois qu'il en a pas marre d'être sur la route constamment 24 heures sur 24 en pensant que pour les fêtes il sera pas chez lui, ce vieux porc. Attends, ce vieux porc, toi tu fermes. Non, moi j'arrête ailleurs. C'est quoi? Arrête, c'est bon, il s'est arrêté là. Non, non, c'est fini. Mais ouais, mais vous arrêtez pas une seconde. Non, non, non. Une demi-seconde. Mais j'ai fait quoi? J'ai rien dit. Non, non, je sais, mais... Bon, Gérard. C'est pas sérieux, hein, Manu. Non, sérieux, non, c'est Manu. Arrête. Manu, c'est non, pas sérieux. Je sais que c'est pas toi, ouais, mais quoi, c'est pas bon, grave. Bah, voilà. Je sais que tu rêves d'être dans les remixes, mais c'est mais pas ouais, raison. C'est vrai. La DAT elle est spécialement faite pour toi, il y a que du Manu de toute façon. Gérard ! Non mais je viens de leur dire, allez dépêche-toi, merde, putain c'est Noël ! Arrêtez là pour le moment un quart d'heure. C'est Noël, Gérard ! Allez dépêche-toi, merde ! Alors, allez, on est là pour toi. Avec des nappes. Non mais c'est bon, Non, mais je viens de leur dire un truc là. Non. Non mais t'as pas entendu, je viens de leur dire un truc, m'emmerde pas putain. Hein? Non, c'est toi une nappe, tu sais pas gérer tes débats. Mais attends, lui il fait un travail de merde et puis lui aussi. Oh, il faut quand même pas déconner. C'est toute cette semaine, c'est pareil. Mais non. Ah, moi, mais on arrête à 3h, j'arrête là. Mais non. Bon, c'est la conclusion et c'est fini. Allez, vas-y. Non, c'est conclusion et c'est tout. Hop. Allez, dépêche-toi. Il va chercher son casque. C'est mieux pour travailler. Bon, les auditeurs. Ouais. Vous êtes là. Ouais. On va continuer le débat avec Gérard, hein, tranquillement. Il est parti, là. Non, il va chercher son casque. Il va chercher son casque. Bah, arrête de l'énerver. Hein. Tu peux pas bosser correctement. Bon, c'est ça. Pardon ? Non, j'ai dit on va bosser correctement. Je crois qu'il est un peu tard, parce qu'il y en a qu'un qui fait du bon boulot toutes les semaines, c'est Rigo. Vous me faites de la merde, voilà. La même suite de phrases. Ouais. C'est lui qui m'a géré. Pas à cause de vous deux, pas à cause de moi, ok ? Ça y est, t'es bien installé, on peut y aller ? Je sais, ça peut te foutre, d'accord ? Maintenant, tu vas fermer ta gueule. D'accord. Et toi, tu vas me gérer un peu le standard vite fait. D'accord, aussi, toi. C'est un peu de ta faute, hein, le bordel. Allez, on y va. Alors, chut. Tu l'as viré, il est parti. Bon, alors, tu me prends d'autres personnes au standard qui sonnent. Hop. D'accord. Couille de loup. Ouais, bah, j'ai déjà répondu. Tu veux que je fasse encore ? Non, c'est bon. Petit téton. T'as répondu. Aussi. Jean-Pul. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gros cochons, quand même. T'en as l'exemple, Gérard. Dis. Ça y est, j'ai dit. Alors, tu peux préciser ? Je peux préciser dans quel sens ? Bon, d'accord. Alors, toi, c'est pareil aussi. Hop, au revoir. Allez, hop, terminé. Non, allez, hop, allez. Non, c'est bon. Hein. C'est ta question. Non, c'est bon. Marcel. Bon, Gérard, pour te calmer. Bon, il y a Sandrine qui va répondre. Ouais, il y a Titeuf sur IRC qui te demande la limite de modulation de fréquence pour les routiers pour fun. Dans quel pays ? En France. Ah, bah, c'est 101.9 hein, sur la région parisienne. Hein. Ok. Alors, on est combien Bah, on a perdu un peu quand tu t'es énervé, que tu as dit que tu partais, les gens sont partis. Donc on est 5720 quand même. Voilà, ouais, bravo. Attends, Gérard. Non. Putain, Non mais, content, 5700, on n'a jamais fait 5700. Ouais, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un qui bosse bien. C'est Rigo, c'est pas vous, c'est Rigo. Vous me faites de la merde. Oh. Manu et Pilder, vous me faites que de la merde. Ça se voit que c'est Noël, hein. Vous foutez que de la merde. C'est que de la merde. Non, ils ont fait un bon Gérard, c'est Sandrine. Pendant une heure. Alors, j'en ai marre de pas répondre. Ta mère, tu pourras gérer tes débats. Et alors ? Il a bien bossé, lui. C'est que Manu, ce soir. Et je me lui, il dégage. Hop, tu le vires. De toute façon, je suis en train de préparer ta lettre. C'est un fou, merde, Manu. Bah oui. De toute manière... c'est Sandrine. C'est là... Mais c'est quand même mon pote. Comment ? Comment c'est ton pote à toi ? Eh ben, tu vas le retrouver, ton pote. Allez hop, récupère-le, ton pote. Récupère-le. D'accord. Non, mais t'éteins ton micro et tu le récupères. Sandrine. Et tu lui dis au revoir. Gérard, Sandrine. Il y a des auditeurs qui voudraient répondre aux questions, quand même. Donc, Sandrine. Donc, moi, je pense que c'est pas des cochons. Ils ont un travail consciencieux, comme beaucoup de gens. Mm-hmm. Et c'est un beau métier. Bravo, Gérard. Continue. Ouais, bah ouais. Mais ça, je le sais. De manière, le métier de routier, c'est un boulot qui est assez dur. Même si tu récupères des panneaux gris en métal dans la rue. Alors, qui c'est qui vient de dire ça ? Polo ! Bon. Allez, hop ! Ça y est. Non, tu me vires tout le monde, tu me reprends d'autres personnes, on en met. Il y a que Lou qui était cool, il y a pas... Non, il y a Jean-Pul qui a répondu. Allez, les verres. Non, t'envoies un disque et... Oh, j'ai plus de disque, moi. T'as juste le disque de la journée de demain. Non, allez, hop. T'en as, là. Non, mais tu veux faire une tranche musicale, tu le dis. Non. Là, non. Manu. Quoi ? Tu dis au revoir à tout le monde et... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tu me prends d'autres personnes. Allez, hop. Tu fais le standard, après. Moi, tu vas au standard. Je vais mettre une musique d'attente, alors. Alors, la question... Le métier de routier, peut-il être... une profession qui disparaît et on se retrouve tout de suite après au 0803, 0805000 et 0870-5000 et toujours W sur l'IRC www.funradio ou que Rigo vous attend. Ou je salue Izan qui doit y aller. Salut. Ok, et on est combien là avant la petite pause? Ça remonte un peu, on est 5942. Ah, ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc continuez comme ça, je vais atteindre les 6000 d'ici un quart d'heure. Ah. Et voilà, donc 2h52, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0870-5000 et 0870-5000, plus tard maintenant. Pardon? Il y a plus que lequel qui marche maintenant. Je pense qu'il y a encore les deux qui fonctionnent. Donc 0803, 0805000 et 0870-5000. Voilà. Donc vous pouvez toujours nous appeler, toujours sur l'IRC, il y a Rigo qui vous attend sur l'IRC www.funradio. Et donc on va récupérer, alors Cocotte. Attends, ouais. Joyeux Noël. Merci, toi aussi. Ether. Ouais, salut à tous. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir. Boule d'ours. Ouais, salut. Bonsoir à toi. Petit téton. Ouais, salut. Cagette. Salut, G. Et boule de neige. Salut Gérard. Salut à vous. Merci à vous aussi. Alors la question donc c'est le métier de routier peut-il être une profession qui disparaît? Alors on va demander ça à Cocotte. Je ne pense pas parce que les routiers sont indispensables à notre vie. Oui. Ils nous permettent de manger, mm-hmm. de boire et de vivre en fait. Ouais mais tu vois la question pour toi est Si un jour on interdit tous les camions et qu'on les passe sur les chemins de fer. Ah, bah alors là, ça risque d'être très compliqué en fait. Je pourrais pas te donner une réponse précise. Ah ouais, mais essaye de me donner quand même. Essaye. Parce que pour toi, à ton avis, est-ce que tu penses que si un jour. Ils disent bon, ben bah, ça y est, maintenant les routiers, c'est fini. Et on met ça sur chemin de fer. Bah, donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ce serait moins bien. Il n'y aura plus de camions sur la route, et les camions sur la route, c'est très agréable de les regarder, naviguer sur l'autoroute, c'est génial. D'accord. Ok. Rigo, oui. Oui, il y a le chien de Rainbow sur l'IRC qui te demande si les routiers peuvent avoir un chien pour se défendre, parce que le chien, il aimerait bien être chien de routier. Alors, attends que je réfléchisse bien à la question. Avoir un chien dans son camion, c'est ça qu'il voulait dire. Hein, Rigo, grosso modo. Comment? Il voulait avoir savoir s'il pouvait avoir un chien dans son camion pour se défendre. Non, c'est le chien qui veut savoir s'il peut trouver un routier pour être chien de routier, pour défendre le routier. Ben, il peut, hein. Il peut passer une annonce, non? Non, il n'y a pas d'annonce. D'accord. Ether? Ouais, ben bah écoute, moi je pense pas que les routiers soient amenés à disparaître dans un avenir proche. Mm-hmm. Faut savoir que quand même les routiers se reproduisent pas mal, hein. On peut pas dire le contraire, ça a coûté le sévère. Donc je pense pas qu'ils soient amenés à disparaître. Moi je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien ça. Mm-hmm. Il faudrait les tuer à la naissance et compagnie, mais moi je pense que bon, il faut les laisser vivre, quoi. Non mais là, je pense que tu comprends pas trop, tu comprends pas la question là. Si, tu me demandes si les routiers sont amenés... Non, mais est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est une profession qui va disparaître ou pas, pour toi? Bah écoute, je sais pas. A priori, tant que les gens auront besoin de se faire livrer des choses à la maison, que ça soit à bouffer, comme disait je sais plus qui... C'est Cocotte, ouais. Ou autre, parce qu'on n'a pas évoqué le cas, mais il y a aussi autre. Mm-hmm. Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses en ce qui concerne autre, quoi. Moi personnellement, tu vois, moi je vais te dire une chose que je connais des routiers, ouais. Mais moi je vais te dire une chose que à l'heure actuelle, c'est comme Cocotte disait, tôt ou tard, bientôt, bon, c'est grâce à eux si on a de la nourriture. Et en cas de grève. Ah bah, voilà. Est-ce que c'est pas un pouvoir un peu trop grand qu'on leur donne sur la population? Ouais, mais... Hein, non mais attends, c'est qui parle là? C'est toujours Ether. Ouais, Ether. Oui. Donc toi tu veux parler sur la profession donc en cas de grève. Bah, voilà. mais en cas de grève, si font grève, ils dépendent quand même leur gagne-pain. Ouais, t'es d'accord avec toi? Est-ce qu'ils prennent pas un peu la population en otage? Je veux dire, est-ce que c'est pas une question de synchronisme aussi? Ah oui, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais ça, moi je peux te dire que si En fin de compte, ils prennent pas la population en otage. En fin de compte, ils prennent les magasins. Parce qu'en fin de compte, on n'est plus ravitaillé après s'ils font grève. Ouais, mais toi, t'as pas l'air malin. Je veux dire, quand t'es client, tu te retrouves avec tes tickets de rationnement et tu peux rien acheter. Ah bah oui, mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, en plus, quand t'as des bombes qui tombent et tout, je veux dire, c'est pas bon. Bah oui, mais ça... C'est tous les jours facile, hein, je veux dire. Mmh. Ouais. Rigo, oui, oui. J'avais une question Minitel, enfin, standard, tout à l'heure. Un auditeur a demandé, est-ce que tu crois que c'est normal que les routiers roulent au GPL? Pour l'instant, il n'y a aucun camion qui est... Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose que les routiers soient équipés en GPL? Je pense pas, non, parce que... C'est pas le camion qui pollue, hein. Non. C'est le routier en lui-même, je veux dire. Non. Non. Alors, tu te trompes, toi. Alors, c'est quoi, Gérard? Non, mais moi, je pense que au GPL, ça sera pas possible. Rigo. Pourquoi? Pourquoi au GPL ce serait pas possible? Mais non, parce que GPL c'est du gaz. Et donc je vois mal un camion équipé en gaz maintenant. Ah, ils font bien des voitures? Bah ouais, mais ça c'est différent. Les voitures c'est prévu pour, mais ils sont pas programmés de faire des camions en GPL encore. Hein? Ah d'accord. Mais Gérard, sur IRC, il y a No Live qui te demande si Bison Futé est un routier. Alors Bison Futé, non, n'est pas un routier. C'est une personne qui se trouve du côté de Rosny-sous-Bois et qui peut dire le point de circulation. Et comment il fait? Il se déplace, non? Pour non, savoir. Il se déplace pas. Comment il fait? Bon. T'éteins ton micro et c'est tout. Je pose une question, Gégé. Est-ce que tu trouves qu'il est vraiment futé, le Bison? Je pense. Donc, boule d'ours. Ouais, ben moi, je sais pas s'ils vont disparaître, mais je crois qu'il faudrait, parce que c'est chiant sur les autoroutes d'avoir leur gaz d'échappement dans la gueule. Oui. C'est dégueulasse. Alors moi, je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, si tu veux que les routiers disparaissent, donc, dans ces cas-là, si les routiers disparaissent, ouais. tu seras plus alimenté. Ah ben non. Donc tu seras alimenté par... Non, mais tu seras alimenté par quoi? Il y a des fermes. Tu payes les carottes que je cueille dans les prés. Voilà. Mais non, pas les carottes. Ah, attends. Il y a des champs, alors tu sais, ça va être facile, hein. Ouais, ben, dans ce cas-là, t'as qu'à aller chercher tes carottes dans tes champs. Bah, qu'est-ce que tu crois que je fais? Eh ben alors. Donc elle a raison. Et toi, t'as raison. Mais sur les autoroutes, c'est chiant d'avoir un truc qui pollue. Non, mais attends. Un truc qui pollue, je veux dire une chose, on est bien content de les avoir, les routiers. Électrique. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Routier à pile. Non, GPL. Bon, Fildar, c'est la cinquième fois que je te demande de... Je vais pas m'amuser. Je m'intéresse. J'ai des questions à poser. Non, mais moi, je te demande d'éteindre ton micro. Je peux pas poser mes questions si le micro est éteint. Petit téton. Oui, ben, je sais pas si ce métier va disparaître, mais en tout cas, tout le monde sait que c'est un métier très chiant et dur. Mm-hmm. Donc, ça m'étonnerait qu'aucun jeune ne fasse ce métier-là, en fait. Ben ouais, mais ça, pourquoi qu'il y a aucun jeune qui veut le faire? Parce qu'on raconte sur ce métier, que c'est chiant et tout ça. L'odeur. Non, mais il n'y a pas que l'odeur. Il n'y a pas que ça, hein, mais bon. Non, mais c'est un métier chiant, ça c'est vrai, parce qu'il faut voir le nombre, combien d'heures qui passent sur les routes, en fin de compte, le routier. Moi, je voudrais vraiment... Oui, mais Gérard... Attendez, voilà une question... À propos du nombre d'heures des routiers qui passent sur les routes, ouais. Il y a Kenneda qui te demande s'il se dope à l'OPO. Non. Non, il n'y a aucun routier qui se dope, hein, parce que sinon, il y aurait déjà eu des contrôles. Gadget. Ouais, bah moi je pense que ça va disparaître. Mais bon, c'est dommage parce que bon, s'il disparaît, les vendeurs de bière, ils vont vendre à qui? Mm-hmm. Les putes, elles vont se vendre à qui? Ouais. Non, mais attends. D'accord. Hé, hey, Gadget. Oui. Je te parle du métier de routier. Oui. Nuance. Tu sais qu'ils vont plus les vendre. Mais c'est les conséquences, hein, il a raison. C'est qui achète de la bière, Gérard. Ça, il a raison. Ouais, qui alimente les magasins? Les kiosques et les journaux aussi. Oui, mais. Et puis de toute façon, maintenant les routiers ils deviennent tous animateurs de radio pourris, donc. Allez, dégage, je suis là. Qui a dit ça? Cagette. Qui a dit ça? Cagette, terminé pour lui. Non, c'est pas moi. C'est toi. Hop, au revoir. Alors, boule de neige. Oui, ben Gérard, je pense pas qu'ils vont disparaître parce que je crois qu'avec la SNCF, on serait assez mal étant donné qu'ils sont tout le temps en grève. Donc, je pense qu'il y a encore de l'avenir, surtout avec l'Europe, mais bon, Faut voir, quoi. C'est pas toujours évident. Oui, ils font des graves défauts aussi. Mais attends, boule de neige. Boule de neige. Oui. Boule de neige. Si les routiers se mettent en grève, c'est pour quoi? Ben, c'est pour revendiquer, oui, oui. Bon, alors, c'est pour revendiquer leur gagne-pain. Ouais. Parce sûr, qu'ils passent trop de temps sur les routes, ils ne sont pas assez payés. On est bien d'accord. On est d'accord. Hein? Donc, faut se dire une chose, que là-dessus, hein, un routier, s'il fait grève, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est son gagne-pain. Lui, il va payer plus cher parce qu'il passe plus de temps sur les routes. Ouais, mais ça peut bloquer la France aussi, quoi. Bah oui, mais ça, ils ont fait des conflits. C'était quand même pour gagner leur gagne-pain. Donc, c'est leur gagne-pain qui gagne, hein. Ouais, mais Gérard, il y a Olio sur l'IRC qui dit que dans les autres pays de l'Europe, il y a beaucoup moins de camions et il y a beaucoup plus de transport de marchandises par train. Et il me dit que le routier est un spécimen en voie de disparition. Un parasite. Ouais. Dans quel pays, ça? Non, mais ça c'est vrai que maintenant, ça va être... pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé, mais je pense que bientôt, on va avoir pas mal de chômeurs. Pourquoi? Parce que les routiers vont être... ça va être convoyé par train. Et donc, les camions iront chercher les remorques après. Donc, c'est comme si que maintenant, on n'avait plus rien derrière. Hein. Mmh. D'accord. Tu prendrais la route si tu avais l'occasion, tu referais ce métier? Si je pouvais avoir l'occasion de refaire de la route, je pense que oui. Ouais. Gérard, excuse-moi, à la place de Cagette que tu as viré, je viens de prendre un auditeur sur les 12 lignes. Gérard, bordel! Oh, ah bah bravo. Bien nouveau. Tu peux y aller ou pas? C'est qui? C'est Cronenbourg. Articule Gérard, bordel. Salut Gérard. Bonsoir. Salut Cronenbourg. Salut Gérard. Mais tu peux m'appeler Cro, hein. Donc alors, pour toi, la question, tu l'as entendu? Non. Le métier de routier peut-il être une profession qui disparaît? Ça sera la dernière fois que je répète la question pour toi et après on change de question. Je pense que oui, ça va disparaître... à cause des trains, quoi. SNCF. Mais oui, mais alors attends. Parce que ça pollue pas. Oui, mais attends, d'accord. Oui. Ah, c'est quoi? Oh là là, c'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu une capote sur la tête, Gérard. Ah, il est complètement fou, ce mec, hein. Attends, c'est ça que tu fais pendant les disques? Ah bah bravo. Ouais, bravo. Attends. Attends, y'en a un, tu vas voir. Y'a pas, tu dis que les routiers. Ouais. Qu'est-ce que t'as demandé, Max? Ils sont où les cartons de capote? Non. Déjà, il faut que tu sois capoté avec ta bête. Non. Ouais, head fucking avec les autres. Rigo, y'a une question, non? Non, y'en a pas, là. Non. Alors, donc. Excuse-moi. Il y a Kenneda, toujours fort dans l'humour, qui te demande si les routiers vont être remplacés par des avions. Bah, de toute manière, t'as pas mal de transports aériens, hein. Des routiers en avion, ouais. Non, mais... Bah, attends, qu'est-ce que tu me parles, quoi? Tu connais que dalle, toi, alors ferme-la. Je peux répondre à la question, donc. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de transports qui sont faits par voie aérienne, donc... Et après, qui sont remis sur camion. Et toi, tu prends ta gueule, maintenant, tu... Sinon, il y a Nassim qui te demande si tu penses que les routiers pourront être remplacés à l'an 2000 par des robots. Non. Pourquoi? Non. Non, mais ce sera remplacé par la téléportation. En fait. Par contre, non. Excusez-moi, Gérard, excuse-moi. Tu sais, t'as la nouvelle ligne de métro, là, où normalement, avant, t'avais des chauffeurs, des conducteurs. Et là, maintenant, c'est un robot. Non, on appelle pas ça des chauffeurs, on appelle ça des machinistes. Il faut pas confondre routier et machiniste, ok? C'est pas pareil. Alors, t'éteins ton micro et tu te tais. Je suis d'accord. T'éteins ton micro et tu te tais maintenant. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura des... Tu te tais. Non, mais je crois que c'est ce qu'il veut dire, c'est que comme il y a des robots dans le métro qui ont remplacé les machinistes, comme tu dis, peut-être qu'un jour, les robots, ils vont remplacer les routiers. De rien, celui-là. De rien. Rigaud, on est combien maintenant, s'il te plaît? 6 000. Et deux. Il est 3h... On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le studio. Non, mais sur l'IRC, parce qu'il est 3h07 du matin. J'espère qu'on est à 6000. Attends, je te... Ah non, il en manque un. On est 5999. Bon, bah, je vais prendre mon autre ligne et je vais me connecter. Vas-y, Arnette. Ah, ben, Arnette, au revoir. Je suis cocotte. Ouais, ouais, c'est ça, bonjour. C'est ça, Arnette. Mais non, je suis pas Arnette. Je suis cocotte. Alors, un camion, un camion. Comme le disait l'ami Coto, est-ce que c'est vrai que tu pratiques le headfucking en l'enculé? Cocotte, alors, au revoir. Allez, hop. Oh! Ça m'y pose, cette claque, là, maintenant. Enfuis des gages, cocotte. Allez, hop, on y va. Vous répétez la première question du débat, je voulais répondre. Non, terminé. Cocotte, terminé. Eh ben oui, cocotte, terminé, il est parti. Ouais, ben, tu me prends une autre personne, ici. Salut, cocotte. On accueille poulet. Alors... Un camion d'un routier est-il mieux décoré qu'une maison? On va demander ça à Ether. La première question de débat, je vais répondre. Ta gueule. Ouais. Question de bilan. C'est poulet à la place de cocotte, c'est ça? Gérard, c'est Ether, je peux répondre? Bah, justement, c'est à toi que je m'adresse. Ok, ben, je sais pas si t'as vu les camions en ce moment, on est quand même en période de Noël. Ouais. Et c'est vrai que quand même, il y a de la boule et de la guirlande sur les camions, on peut pas dire le contraire, quoi. Non, mais tu penses que c'est mieux décoré qu'une maison ou pas, toi? Oh bah, je sais pas, moi, une maison, a priori, ça se décore pas des mains, hein. Je sais pas, moi, je suis pas du genre à mettre des mains de jardin et compagnie pour ma maison. Je trouve que ça fait quand même un maximum blaireau, avec le petit pli, avec les faux pneus, là, et tout. Mais un camion, ouais, pourquoi pas, je veux dire, quand t'as l'autocollant, genre Martel, Raymond ou René en haut du pare-brise, ouais. Ça tape un maximum, quand même. Ouais, mais ça, tu vois, quand tu vois marquer ça... Ouais. Ça, c'est un QRZ, bah ouais, ça s'appelle. Moi, mais est-ce que tu as déjà vu des camions? Ouais. Bon, de toute manière, on va demander après aux autres personnes. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des camions, toi, qui sont décorés avec déjà des formes de cœur, ouais, qui clignotent? Ouais, tout à fait. Ouais, bah, je sais, toi, je pense que... J'en ai vu, ouais, j'en ai vu plein. Il y en avait l'autre jour sur la Contralie, peut-être. Ouais. Tu viens l'autre fois? Moi, j'en ai vu aussi. Ouais, ben, je sais. Bah, GG, donc c'est Ether, moi j'habite pas très loin de Rungis, ouais. Connais, dans le 9-4, donc. Ouais, bah je connais, voilà. J'en ai vu. Voilà. Je connais parce que j'y ai travaillé. Voilà, tout à fait. Il y a des cosmiques laser là-bas, non? Un petit peu, ouais. Et en fait, il y a des camions avec des petits cœurs qui clignotent. J'en ai vu aussi là-bas. Il y a des camions avec des trèfles, il y a aussi des camions avec des pics. Alors, Ether. Ouais. Tu veux parler de quoi avec les tresses? Ah ben, non, j'ai pas dit des tresses. Des trèfles. Avec un feu comme fesse. Ouais, fesse. Ouais, fuck. Ok. Et donc, et bien sûr, il y a aussi des camions avec des carreaux qui clignotent. Et bon, bah, je pense que quand tu travaillais dans le mine et que tu déchargeais dans le mine, parce que ça décharge grave là-bas. Non, mais moi, j'étais plus... j'étais pas dans les mines. T'étais dans quoi? Dans la zone silique ou dans la zone sgeg, c'est ça? Non, j'étais dans la zone messagerie. Messagerie? Mmh. Ah. Et je voulais tu parlais de messagerie, justement, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Les coursiers, tu considères pas un peu que c'est un peu des routiers en mobilette? Non, mais attends. Ils font un peu le même travail, je veux dire, c'est un peu des routiers à pied de bois, quoi. Non, mais attends, parce que faut bien dire une chose, Ether. Ouais, vas-y. À Rungis, t'as plusieurs trucs. Ouais. T'as les mines. Ouais, tout à fait. T'as Rungis où t'as toute la messagerie. Donc, là où t'as plusieurs camions qui déchargent des colis qui sont expédiés dans des SMI pour aller dans différentes villes. Ouais. Quel gros con! Ta gueule, toi! Dans les SMI. Merci. Donc, voilà. Ouais, les mines, elles sont quand même pas mal épuisées, hein, il faut le dire. Non, mais... compte ta question. Oh, ta gueule, à toi. Excuse-moi, Gérard. À la place de Cocotte, sur le 0800-75000, j'ai eu Grenouillette. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gérard. Salut, bonsoir. Bonsoir, Foucault. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Rego. Bonsoir, Goldo. Bonsoir. Salut. Ah, bonsoir. Il sort d'où, Goldo? Il n'y a pas de Goldo. Non, pas Goldo. Non, on parle de Goldorak qui est sur la 3. Grenouillette, alors, pour toi. Allô? Excuse-moi, vu que j'étais au standard, j'ai pas pu entendre la question. Alors, un camion d'un routier est-il mieux décoré qu'une maison? C'est la dernière fois que je répète la question. Non, ça je ne pense pas, non. Alors, tu peux préciser? Bah, parce que c'est pas très très beau, il y a deux fauteuils. Mmh. Et une cabine à l'arrière avec des petits posters de lui ou de Playboy. Mmh. Et ça s'arrête là. D'accord. Okay. La baraque elle est comme ça. Boule d'ours. Ouais, non, moi je trouve que c'est mieux décoré parce qu'avec les banderoles, les photos de femmes à poil, tout ça, c'est top, je trouve. Ouais, mais est-ce que t'es déjà monté dans un camion de routier? Non. Non. Mais ta gueule à toi! Je réponds. Mais ta gueule, c'est pas à toi que je m'adresse. Mais tu t'adresses jamais à c'est moi. C'est pas à toi que je m'adresse. J'aimerais bien parler, moi. Non, quand avec, tu t'écrases. Avec toi, tu fais ton boulot. Un remix, hein. Le boule d'ours. C'est pas Manu, je fais un remix spécial Manu la semaine prochaine. Ouais, je t'écoute, Gérard, vas-y. Donc alors Donc pourquoi non, je suis pas monté dedans, mais j'ai vu, tu les vois, quand ils ont la fenêtre baissée sur la route, tu vois bien comment c'est à l'intérieur, hein. C'est bien, c'est mieux. Non, mais alors dans ces cas-là, si t'en vois, est-ce que... T'en vois la purée. Est-ce que tu vois des photos sur les pare-brises? À mon avis, je pense pas. Non, pas sur les pare-brises, mais derrière lui. Non, mais attends, moi je te demande devant. Lui aussi. Non, devant, il y a des... Je sais pas, ça dépend. Ils ont des trucs qui clignotent, là. Ouais. Des machins comme ça, ouais, je trouve ça bien. Ouais, voilà. K2000, ils ont pris le K2000 devant. Ah, ok, petit téton. Ben, en fait, moi, je sais pas, parce que j'ai jamais monté dans un camion routier, mais je pense que oui, il y a deux vieux canapés, trucs comme ça. Ah, d'accord. Canapé, salon de thé, ouais. Non, mais attends, tu crois que le routier... Tu crois que le routier va carrément déménager pour mettre tout chez lui? Je voulais pas dire des canapés, je voulais dire de vieilles chaises. Non, c'est faux. C'est faux. Cronenbourg. Oui, bah, moi, je pense que... Des camions avec des peintures, tu sais, les camions américains, là. Ouais. Avec des peintures de femmes à poil. Non, mais ça, je vais te dire une chose, tu sais combien ça coûte? Ah oui, c'est bien. C'est cher. Gérard, c'est toi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas en euros, quoi, en euros, c'est pas cher. Attendez, il est... Avant la fin de l'année, toi. Toi, je te jure, tu recommences à m'allumer ton micro, je t'éclate. Non, je peux allumer mon micro, moi. Ouais, une question IRC. Payot. Zig. Attends, 12 secondes. Jingle. Il est en king. Voilà. C'est bien. Jingle. Alors, une question IRC. Alors, fais attention, toi. Il y a pas un 31 qui voudrait savoir s'il faut un permis. Alors, attends, je vais retrouver. S'il faut un permis de Z pour être routier. Non. Il faut quoi, alors? Il faut un permis C. Un C? Permis C, c'est le permis camion. Et c'est pour tous les camions? C'est comme le même permis. Une petite camionnette ou un gros... Ah non, attends, petite camionnette, déjà, c'est une 3,5 tonnes. Donc, il faut permis B. Donc, permis B, c'est VL. Oui, Et sinon, il y a le pape qui te dit de fermer ta gueule parce que tu le fais chier grave et il va se casser de l'IRC. Moi, c'est un con, lui. Et lunatique aussi. On est combien sur l'IRC? On a vu que les deux, ils sont partis, on est 96. Ah, il en manque 4. Bon, ouais, mais c'est bien déjà. Ouais, 5980. 97, pardon. 97 à 3h15 du matin, je crois. 15. Ah, 15 à ma montre, parce que là, elle n'est même pas à l'heure. T'es à l'heure de sirène, c'est pour ça? Non, moi je suis à l'heure. Je suis à l'heure de la télé. Okay. Rock. Non. Cronenbourg. Oui, bah, je t'ai répondu, Gérard. Ça y est, boule de neige. Oui, ben écoute, je trouve qu'il y a trop peu de femmes à poil dans les cabines des camions. Mais bon, c'est bien décoré, ça on peut pas dire, mais je ne mettrais pas ça chez moi, quoi. Et tu peux préciser? Ben écoute, je sais pas s'ils veulent recréer leur intérieur ou quoi, mais je trouve que c'est quand même assez vulgaire, quoi. Ça reste bien. Ouais, ok. Non, mais moi je peux préciser qu'un camion de... Un camion, c'est bien décoré, surtout avec des cœurs. Les cœurs qui clignotent, des petits drapeaux ou même voir des pagnons de certains pays. C'est ta fête. Comment? Bon alors, et alors Cronenbourg? Moi j'avais vu les camions rares avec plein de peluches partout, c'est plein de volants, t'as les cabines, des peluches partout. Mais je sais, ça, il y en a. T'avais ça toi? Non, moi j'avais pas ça, moi j'avais le cœur qui clignotait avec le petit drapeau et les petits pagnons qui vendent dans les stations-service. Ouais, Rigo. Non, je voulais dire que moi j'en ai vu avec des paquets de cigarettes, plein de paquets de cigarettes. Mais t'en as, ouais, ils peuvent décorer leur camion comme ils veulent. Ça peut être avec des plus, avec des. On peut faire ce qu'on veut? Bah oui. C'est pas réglementé ça, il y a pas un truc? Non. Et justement. Ta gueule toi! Et justement... Samedi, par exemple, tu peux mettre ça, non? Oh là là, ce qu'elle a dit, celle-là. Oh là là, c'est qui, toi? Ça va chier, là. C'est boule de neige. Hein. Allez, hop. Alors, boule de neige, ok. Oui. Ça va être terminé pour toi, tu peux raccrocher. Hein. Gérard, des sapins, c'est autorisé dans la cabine? Bien sûr. T'en as qui ont des petits sapins dans leur cabine? Des sapins. C'est autorisé, hein. C'est quoi un sapin? Il y a Fixeur qui dit que lui, sa cabine, elle est décorée avec des cotons-tiges. Non, ça... C'est interdit. Là, je réponds même pas à la question. C'est interdit pour l'Allemagne. Oui. Bah, je voulais savoir si c'est vrai que toi, à l'époque, ton camion, il était décoré tout en vert avec marqué « Propreté de Paris » dessus. Et ta connerie, elle était décorée avec quoi? Toute bleue, mon amour. Eh ben, moi, je suis pas ton amour, alors je t'emmerde, tu peux raccrocher. Ben, moi, je te kiffe pas. Alors, c'est qui? C'était Pito. C'était Pépito, je travaillais à France Télécom. Ouais, ben, c'est bien. Allô, Gérard. Donc, boule de neige, terminé pour elle. Laquelle? Boule de neige. Boule de neige. Non, j'ai rien dit. Non, boule de neige, terminé. Allez, dehors, les filles, là, ouais. Hop! T'as dit une connerie? Il y a aussi un mec qui a fait le con là. Je sais plus comment c'est son nom. Lequel, là. Je vais le choper. Lequel. Attends, c'est quoi ce nom? C'est Pito. Partant chaud. Balance lequel, j'ai chopé là, vas-y. J'ai plus son nom, merde. C'est Pito. C'est qui? C'est Pito. Celui qui dit que c'est Pito, c'est pas son vrai nom. Bon, c'est Singer alors. C'est grave là. Bon, ça y est maintenant. Je fais quoi, Gérard? Je fais quoi? La mairie. Gérard, je panique là, je fais quoi? Tu me reprends quelqu'un d'autre. Je panique. Je prends. Bon, ça y est, tu me les calmes là parce que ça commence à m'énerver. Rigo, oui, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si t'avais un bonhomme Michelin dans ton camion et est-ce que c'est de là qu'est venu ton amour pour Sandy? Hop, tu me mets tous en l'air, je lui réponds. Alors là, les bonhommes Michelin, comme il vient de dire. Moi, je peux te dire une chose, que ça se met sur les rétroviseurs des camions. Et il y a maintenant, je ne sais plus si ça se fait encore, mais t'en as pas mal que quand on... Et c'est pas il, c'est elle. Ouais, mais elle, j'ai jamais vu Sandy décoré en Michelin. Hein. Je pense pas encore à l'heure actuelle. Hein. Ok. C'est pas passé à l'entête. Ouais. Elle a quand même les monstres. Hein. Ah, là, mais elle vous emmerde, Sandy, maintenant, d'accord? Mais il a rien dit sur Sandy. Ouais, mais elle vous emmerde. Il disait juste que le bonhomme... Elle est là, alors maintenant, elle vous emmerde. On parlait de ses mesurations. Ouais, bah alors, pour l'instant, vous allez foutre la paix, parce que tout à l'heure, elle va s'énerver. Gérard, on peut suivre le débat? Un bébé. Ok. Comment? Un bébé. Elle est là, le bébé? Vas-y, réponds, toi. Réponds. Joyeux, le bébé. Salut à tous. Salut Sandy. Salut. Eh, Sandy, t'es trop cool. Ouais, bah je reste zen. Heureusement que c'est normal. Ouais, c'est clair, on t'aime trop de l'inquiète, on t'aime. Donc, j'ai eu votre débat. Voilà. Alors, la question. Partant chaud, un routier peut-il construire une piscine? On va demander ça à Grenouillette. Impossible. Ouais, tu là? Impossible. Allô? Grenouillette. Tu fermes ta gueule ou quoi, toi? Allô, vous m'entendez, c'est Grenouillette? Ah! Allô, il y a personne. Bon, allez, hop. Terminé. C'est pas lui. Ah non, ça commence à bien faire. Tu vas jusqu'au bout maintenant, parce que Rousseau, il est pas là. Hein. Allô, c'est Grenouillette. Bah alors, tu réponds et tu fermes ta gueule ou tu réponds pas. Ah oui, mais ça marche pas. Tu réponds. Et excuse-moi, Gérard, à la place de boule de gomme ou boule de neige, c'est quoi, la question? On accueille Loukoum. Bonsoir, Loukoum. Oui, sur le 0803-0800000, sur Fun. Bonjour, Gérard. À toi aussi. Donc, Grenouillette. Bah oui, GG, moi j'ai déjà répondu, j'ai dit que c'était strictement impossible, puisque la cabine était bien trop petite pour avoir une piscine. Ouais. Ouais. Un petit éton. Ouais. Pas un jacuzzi pendant que tu y es. Comment? Non, rien. Oh ouais, hop, petit téton, au revoir. Ok. Au revoir, petit téton. Ouais, tu es gros, hein. Ether. Ouais, ben, on disait tout à l'heure qu'ils avaient déjà du mal à prendre des douches, donc... Allez, hop. Une piscine, ça restait pas de quoi, on en a parlé tout à l'heure, y'a pas de problème. On a dit qu'ils avaient du mal à prendre des douches, donc ils risquent pas d'avoir une piscine dans le camtar, quoi. Sinon, ça veut dire qu'ils ont rien à l'arrière, je veux dire. Soit la piscine, soit la marchandise. Ils peuvent mettre une piscine à la limite dans la remorque. T'as un gros magnum, là, un gros 40 tonnes. Tu peux foutre une piscine, mais ça veut dire que t'as plus de marchandise. Donc t'es plus routier, quoi. T'es plus ambulant. N'importe quoi. Pas de value. Boule d'ours. Ouais, bah il peut la mettre au-dessus, la piscine. Carrément. Comment? Bah il la met au-dessus, la piscine, sur le toit. D'accord. Ouais. Rigo, question IRC, non? Non. Non. Merci, Rigo. On est combien, là? Gérard, j'ai une question standard. Tu peux ou pas? Vas-y, accouche. Il y en a, il y a beaucoup d'auditeurs sur le standard qui en fait avaient une question à poser sur le débat des routiers. Donc je pense que je vais te la poser parce qu'en fait ça tombe bien parce que c'est un bon vas-y Bernoulli, vas-y. Et ok, super Sildar. Bon allez, j'ai oublié, hop, et, ferme ta gueule et ça vaudra mieux. Non, moi je sais ce que tu voulais dire, c'est qu'en fait, c'est les auditeurs qui t'ont demandé. Ouais. Sur les 12 lignes qui restent, tout ça, ils ont demandé 5000 fins. Voilà, et moi je pense que la question... Mais attends, ça parlait bien de ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, non, je sais plus. Non, mais ça... Hugo, ils te le disent pas? Rigo, pour l'instant, tu fais un boulot correct. Ouais, mais j'en ai marre. Donc, on est combien que l'IRC? On est 5982, on perd un tout petit peu. Ouais. T'arrêtes un peu de lécher le cul de Gérard, c'est vrai, Gérard, Rigo. C'est quoi, oh je te donne l'autorisation de le frotter. Ouais, ça y est, il est en train d'essayer. Il arrive pas. Il veut lui mettre un coup. Mais non, lui, c'est pas un terrier. Ça doit pas être bien dur de frapper un petit coquiri. Ah ouais, joli. Donc, à la base, je veux dire un bâtard. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, à la place de petit téton, on a quel gros panda. Bonsoir, ouais, ben c'est ça. Alors moi, Manu. Et même, oui. Salut, Philippe. Tu retournes au standard. Tout de suite. Ouais. Carrément. Ouais. Pose quand même ta question. Hein. Non, quelles sont les marques de camions autorisées? On s'écoute, suce-moi le dard avec Il est jamais trop tard. Et on se retrouve tout de suite après. Les divas, pas de radio et... Pas d'insulte de Gérard. Donc c'est suce-moi le dard, il est jamais trop tard, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et il est 3h27 du matin, vous êtes toujours sur pleine radio. En espérant qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire le réveillon. Donc, il y en a, pour certains, je pense que ça doit être terminé. Pour ceux qui travaillent... Il y en a beaucoup qui sont bourrés à ce temps-là. Hein. Il y en a... Maintenant, toi, tu peux parler, toi, t'as moitié jeté. Attends, il y en a 2-3 qui vont peut-être encore passer à table. Hein. Ouais, ben, moi, le premier, ouais, si je pouvais avoir un... Une soupe à l'oignon. Ouais, parce que je commence à avoir un peu la dalle. Tu veux une soupe à l'oignon? Non, toi, tu fermes ta gueule, maintenant. Pourquoi? Tu vas te peler le cul, non? Non, non, mais tu t'écrases. Elle est où la liste? Merde, elle est où la liste? Voilà. Attends. Alors, on récupère Grenouillette. Bonsoir Grenouillette. Et la place de Cronenbourg qui est partie se coucher parce qu'il allait faire le réveillon. On accueille Foin. Ouais, Foin, ok. Foin. Bonsoir. Alors, Ether. Yes. Bonsoir. Yes. Le bit. Boule d'ours. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Gros peinard. Non, pandard. Pandard, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Foin. Salut Gérard, salut à tous, joyeux Noël. Ouais, à toi aussi. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien. Loukoum. Salut. Oh là là, la voix. Salut Loukoum. Punaise, t'as pas trop santé là? Ouais, si. Eh Loukoum. C'est mon homosexuel. Bon, qui c'est là, qui s'amuse là? Ça doit être Pedron. Ça c'est quoi son nom? Ouais. Éther. Quelles sont les marques? Quelles sont les marques autorisées de camions? Grenouillette. Ouais. DAF. Vas-y. DAF, Renault, Mercedes. Et Monster Truck 98. De quoi? Monster Truck 98, c'est une nouvelle marque qui vient de sortir. Ah, ça c'est pas sorti dans Spirou Magazine? Ok, d'accord. C'est fou. Ouais. Et là? Esther. Ouais, bah il y a le Magnum. Ouais. Il y a le King Kong. Hein? Et le King Kong. C'est quoi ce camion? C'est un nouveau camion qui est sorti au dernier salon de l'Homomobile de l'année dernière. Fais ça. Il y a l'Esquimau, il y a la surprise. Ouais. Voilà. Eh ben, à mon avis, t'as tout faux. T'es complètement jeté, toi. Boule d'ours. Ben, j'en sais rien du tout, moi. Oh, ben d'accord, toi. Ben, j'en sais rien, attends, qu'est-ce que tu veux que j'y connaisse, moi, là-dedans? Non, mais attends. Tu t'as dit que tu voyais un camion avec Mais alors, attends, quand tu doubles un camion sur l'autoroute, tu vois pas la marque. Mais j'y fais pas attention, d'abord je conduis pas en plus. Ah bah alors pourquoi tu... Ah, attends, alors tu conduis pas... Non, attends, tu conduis pas. Non. D'accord. Bah, donc ouais. Comment tu peux savoir que les routiers ont des posters de femmes nues dans leur camion? Explique-moi. Est-ce que je suis à côté du conducteur? Dis. Ouais. Tu fais du stop, tu montes dans la cabine, et dans la cabine, tu t'aperçois qu'il y a des demoiselles qui écartent Ouais. Et voilà. Au moment où tu te fais sauter, tu les vois les pasteurs hein, quand t'es une fille. Ouais, t'as vu des films aussi. Ouais, je crois que t'as dû voir des. Mais non, attends, quand t'es dans une bagnole et que tu googles, quand t'es juste à côté, tu le vois. Eh ben alors, quand tu te rabats, t'as bien un rétroviseur. Bah ouais. Bon, bah alors, tu peux voir la max du camion. Mais je regarde pas. Non, mais ah ouais, bah, je regarde pas, j'ai l'envers. GG. Gros peinard. Attends, Gérard. Gros pandard. Ouais, j'ai entendu aujourd'hui Pictool, c'est une nouvelle marque japonaise. De quoi? Pictool. C'est quoi ça? C'est une nouvelle marque japonaise. C'est un camion? Bah oui. Ah bah, ok, je veux bien. C'est tout? Ouais. Ah bah d'accord. Point? Ouais, Gérard, mon père il est routier. Moins fort, t'es pas à la maison. Ouais, ok, excusez-moi. Mon père il est routier et son camion c'est un Play School. Ah mais tout se joue à la Play School. Eh, point! C'est une bonne marque, quoi. Non mais, je crois que t'as fumé du foin là. Mais non, c'est mon père, il transporte du foin, il m'a appelé foin, c'est pas de ma faute. Ma soeur m'a appelé, je t'emmerde. Bah ouais, ça, je sais que tout le monde t'emmerde. Eh ben alors, au revoir. Oh, tu viens d'arriver. Non mais bonne nuit, au revoir. Enfoiré. Au revoir, enfoiré, ben toi-même, allez hop. Eh les gars, l'enculé, va. Toi tu restes poli. Bah mon père, il est gros, on est sur internet là. Attends, il te défend. Je te défends, GG, je suis avec toi. Loukoum. Oui, bah tu vois, Gérard, ça dépend des camions en fait. Ça dépend si c'est un camion poubelle, si c'est un camion qui transporte du froid. Donc tu précises ta question. Et ton nom. Précise ton nom aussi. Ah, Loukoum. Ah, il peut pas tout faire, il bouffe là. Il est en train de bouffer. Ah, mais Loukoum. Vas-y, crache. Je t'écoute, hein. Mais ça peut parler à la sphère. Bon, allez, ouais, Loukoum. Oui. Tu te réveilles? Tu dors ou quoi, là? Ah non, mais je te dis, faut que tu précises. Hein. La question. Allez. Quelles sont les marques? Oh! Quelles sont les marques de camions autorisées? Loukoum. Je sais rien, hein. Moi, je vois pas les marques de camions, hein. Ouais, d'accord. Dehors. Non, mais attends. Je cherche pas, dehors. Tu connais pas les marques de camions? Viens là, elle en a rien à faire du débat. Elle s'intéresse pas, elle pense qu'à bouffer et à boire, elle aussi, alors dégage-la, hop. Bon, et hop. Allez, Loukoum, Loukoum, au revoir. Allez, hop. Je la vire, allez. Allez, hop, terminé. On veut devenir femme. Mais, nay. Alors, ouais. À la place de... Il n'en peut plus, Pinda. On appelle... À la place de Fou, on accueille Papaye. Papaye. Non. Okay. T'as pas été là. C'était sur les 12 lignes. Non, de 25 000 fans. Il y a peut-être 12 lignes hein, pour appeler. Bonsoir, Papaye. Bonsoir. Tu vas aller stream avec mes amis et moi. Mais non, c'est rare. Mais tu peux m'appeler Mang ou Noix de Coco, c'est comme tu veux. Oh, c'est en l'ordre. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Comment? Attends, j'ai mal entendu là ce que tu viens de me dire. Moi, je te reste tranquille avec moi. À peine j'arrive, tu me dis ferme ta gueule. Comment ça? Alors pour l'instant, tu vas te taire un petit peu, d'accord? Je te réponds à ta question quand même. Vas-y. Bon, je vais te choper à la sortie de la radio. C'était quoi? C'était. On va te niquer. C'était quoi? C'était la marque des camions? Je pense que c'est Fisher. Hein. Fisher Price. N'importe quoi. The best leadership in the Europe system. Fuck my wife. Et Gérard, est-ce qu'il y a des marques non autorisées de camions? Non. T'en connais ou pas? Jusqu'à maintenant, tous les camions que je connais, ouais. Donc c'est les Magnum, ouais. DAF, ouais. Iveco, DASOC, non, ça n'a rien à voir. Alors, je te jure. Non, je rigole. Bon, avant Iveco, là. Iveco, après. T'as Iveco, t'as... Ikea, non? Non, t'as quoi encore? T'as les Mercedes. Ouais, t'as les Renault quand même. Bah. Je viens de le citer, le Magnum, c'est quoi? Ah, le Magnum, c'est Renault. Ah, je savais pas. Ah non, mais... Ah non, le Magnum, en fait, c'est un modèle de chez Renault. Ah, d'accord. Ah bon, ah bah, Magnum, c'est bien marqué. Il y a un petit logo, tu vois? Ah non, comme mais sur la voiture Amax, non, mais... c'est précisé Renault. Ah, mais moi, je croyais que c'était le mec qui avait la Ferrari. N'importe quoi, toi. Qui était routier avant. Ouais, t'es vraiment starvé, toi. Starvé. Ouais, j'en connais un autre aussi, hein. Ouais. Demande-lui la marque de ta voiture. On le sait, je la connais. Fiat. Château du Bar. Lada. Une bouteille à 4 ans. Non, il n'y a pas de Lada. Bon, d'après moi, Fildar, il doit bien se trimballer avec une 4N. Une Lada. Non, Fildar, maintenant, on a le débat, on est sur les. Non, mais Fildar, je peux vous dire une chose. Il se trimballe. Fildar se trimballe. Il se trimballait avec une 205. Ouais. Mais et maintenant, il se trimballe avec la voiture du chef, c'est-à-dire une Mégane. Ouais, mais au moins, lui, il a une caisse. Tu te dis, mais c'est la voiture à Max. Gérard, donne l'immatriculation aussi, si tu veux. Hein? Ouais. Alors, donc, on va attaquer. Ça fait chaud, là. Hein. Ça fait comme si t'avais dit qu'elle était rouge, quoi. Attaque, vas-y. 11h30. Alors qu'elle est verte. Ouais. On peut se répéter si tu veux un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'on se pignole, qu'on se lèche un coup, c'est quoi? Non, mais deux disques là. Hein? Mais on vient d'en mettre deux. Deux disques. On met deux disques. Je t'ai pas envie, quoi. Oh non, ouais. Tu peux. Gérard, tu roules en quoi, toi? Oh non, ouais, moi. Mais non, on va pas mettre deux disques maintenant, Gérard, on vient d'en mettre un. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu roules en OCB? Comment? Est-ce que tu roules en OCB? Oh là. Non. Non, lui, c'est plutôt smoking. Alors, pensez-vous qu'il y aille. Il va bien aimer, GG. Allez. Oh! C'est pas passé dans mon enregistrement, ça. Merde. Oh putain, mais merde! Vas-y, Gérard, vas-y. Vas-y, j'ai fini la bande. Pensez-vous qu'il y aille autant de femmes ou d'hommes routiers? Gérard, c'est papa, je peux répondre? Ouais. À mon avis, peut-être. Alors, tu peux préciser? Dans un sens, oui, dans un sens, non, ça dépend si ta tangente est bonne. Hé, Gérard, tu penses aussi quand tu fais caca? Alors, Fildar, c'est toi qui t'es amusé à donner ça aux auditeurs, je le sais maintenant. Donc maintenant, tu commences à me casser les couilles. Heureusement que c'est la dernière semaine des débats. Parce que là, tu commences à me casser les couilles, vraiment. Gérard? Ok. Gérard, c'est papaye. Ouais. Parce que maintenant, il y en a ras-le-bol de toi. Tu peux me laisser finir. Arrête, Gérard. Bon, allez, hop. 3h36, tu balances un truc. Non, pas maintenant, pose la question, interroge les auditeurs, je sais pas. Grenouillette. Ouais, je suis là. Ah oui, vas-y, ah oui. Bon, ouais. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. Allô? Gérard, arrête. Allez, tout raide, papaye. Attendez. Bon, Gérard, c'est quoi là? Gérard, fais pas la gueule. Voilà, il te le demande, les auditeurs, écoute-les. Dites-le lui. Mais non, sois positif. On est là pour toi. Mais bah, tu n'as pas l'aide, tu me répètes ta question, s'il te plaît. Sinon, moi, je suis tout con, il t'a dit ça, tu pourras arrêter ton débat. Il n'y a personne qui a. 347, t'en t'aimais pas, on ne fait pas là. C'est quoi la question, s'il vous plaît? Je me permets de facile. Pensez-vous qu'il y ait autant de femmes ou d'hommes routiers? Ah, impossible. Je pense qu'il n'y a que des hommes. C'est qui? C'est Grenouillette. Mais non. Il a raison. Je sais, j'ai toujours. Gérard, c'est papaye, je peux préciser? Vas-y. Mais non, c'est toi. C'est papaye, hein. Je peux préciser? C'est un susbite, papaye. Gérard, tu me gères ça, là, ou quoi? Là, c'est quoi? Je t'écoute. Alors, ouais, je voulais dire qu'il n'y a que des hommes dans la mesure où toutes les femmes, elles se sont fait opérer depuis. Ok. Je pense qu'à mon avis, tu te trompes. D'accord? Ah non, moi j'en suis sûr, hein. Ether! Ether! Elle est là. Oh, tu es là. Putain! Oh là là. Oh la vache. Lance pas des canettes comme ça, Gérard. Eh, hey, tu fais ton boulot ou pas, toi? Oui, je suis là, GG. Non, mais attendez. Ouais, c'est bon, Ether, c'est dans le vent. Hein? Ouais, pas de neuf. Ouais, tranquille. Tranquille. Ça t'appelle, hein. J'ai porté plainte, hein. Allô? Bon, c'est Ether là. Allô? Attendez. Là, il vous écoute pas, ça sert à rien. Attends, mais je n'ai même pas capable de me faire un sondeur correct. La demande à Philippe, il va le faire là. Lui, il va le faire. Ben, tu me le viens, lui, sur Dors. Allez, ça y est, le fil d'arme. Allez, hop, Gerbe, vite fait. Ah, allez, installe-toi, on va reprendre. Ah, vous êtes là? Ouais, on est là. Oui, Gérard. Salut, Gérard. Bonsoir. Attendez, parce qu'il gère le nouveau standardiste, en fait. Oh là, c'est qui? C'est Philippe. Ouls. C'est un stagiaire, le Philippe. Ouais. Je répète la question. Ouais. Pensez-vous qu'il y ait autant de femmes ou hommes routiers? Ouais, autant de traves que de routiers, ouais. C'est qui? Attends. Toi, tu dégages des studios, je vais plus te voir. Tu dégages! Merci, tout ça vient. dans ma prendre, il va m'avoir. Sors. Cours. Dégage. Oh merde. Bon. Sinon, vous avez bien bouffé à Noël? Ouais, que dalle, y'avait que des toasts avec du foie gras. Ah bah, du homard. Et on est combien sur internet là? Je sais pas. Bon, Gérard, on va y aller peut-être. J'ai pas des bandes dans les yeux. Oh non, j'ai non, mais qui. Vas-y. Boule d'ours. Ouais. Eh ben, moi je pense que, ouais, à part les travelots, il doit y avoir un tout petit peu de femmes. C'est un milieu de mecs. Non, mais je pense que maintenant. Mais ça peut être très bien femme ou homme qui conduisent. Hein. Ouais, mais il y a plus hein, de mecs. Ouais, mais ça c'est sûr, il y a plus. D'ailleurs, c'est pour le Larsen. Ouais. Il est pas. Attention, pas. Non, je peux dire que il y a presque maintenant, c'est vrai que et encore, je n'ai pas de sondage pour préciser vraiment. Et Gérard, t'as peut-être pas le cul. C'est le con qui a fait ça, franchement. Mais c'est non, mais ça. Non, non. C'est l'autre. Gérard, allez. Lui, je l'éclate avant la fin de la. Avant la fin. Bon, 3h40, allez, on fait une dernière question. Gérard, au bout. Allez, Gérard. J'ai pas répondu. Ce serait cool d'avoir une question internet aussi. Allez Gérard, vas-y. Gégé, je peux répondre. Attends, toi, vas-y, pose les questions. Gégé, Sandy. Gérard. Je t'écoute. Ouais, t'es hyper, j'ai pas répondu, je peux répondre. Non, vas-y. Ouais, alors, tu parles des hommes et des femmes. Je voulais savoir si tu trouvais que le milieu des routiers était un milieu misogyne. Ah, ça, c'est raide. Non. Qu'est-ce que tu penses du sexisme? Ben, j'y pense rien du tout. Hey, je crois que je vais m'amuser d'ici la fin de d'ici 4 heures. Tu peux t'en penser, toi, t'es trop con. Alors va te faire enculer, toi, connard. Hop, au revoir. Terminé pour toi, je sais pas qui c'est, mais on prend au hasard. Allez, hop. Ah oui. On voit la musique et ils vont se calmer, là. Mais non. Alors, la question, est-ce que l'on peut faire une soirée dans son camion? Est-ce qu'on peut faire une soirée dans son camion? On se retrouve juste après, tu me mets de la musique. Merci. On met un 10 direct. Allez, un numéro de téléphone quand même peut-être. 0870-5000 et 0803-08-5000 et on se retrouve tout de suite après. 3h46, c'est toujours Fun Radio, les débats de Gérard. C'était une tranche de foie gras entre les fesses, c'est bien mieux pour le réveillon. Et non, il n'y a pas 3h46, c'est 3h48. Oh, excuse-moi, attends, non, parce mais que la nôtre, il est 3h47. Non. Là-haut, ça fonctionne pas. Donc, tu peux me remettre tout le monde en air, Phil. Ça y est. Donc, alors, croyez-vous qu'un routier se déguise à Noël? On va demander à Grenouillette. Allô? Mais les auditeurs, Phil. Allô? Ouais. Allô? Ah, Gérard, c'est Papaye, tu m'entends? Non, pour l'instant, j'ai demandé Grenouillette. Ouais, déjà, alors tu te captes direct. Mais je peux m'appeler Grenouillette si tu veux. Oh, okay. J'ai demandé Grenouillette! Tu peux devenir petit gros élève, hein, y'a pas de problème. Ah, violent, bien. D'accord, ok. Alors la 8. Pas chou, il va repéter la semaine prochaine. Ah, 10 fois vieux. Non, mais de toute manière, c'est le dernier débat de l'année. Hein. Aucun rapport. Alors, Grenouillette? Oui. C'était quoi? C'est quoi la question? Il y a d'autres qui sont brouillés derrière. Allez hop. Philippe, allez. Au revoir. Terminé. Ether. Ouais, Gérard, t'as pas 10 balles, là, s'il te plaît? Non. Ether, tu te calmes, parce que sinon tu vas faire comme Grenouillette. C'est pas moi, Gérard, c'est pas moi. Alors, Ether. Oui. Ouais, Gérard, t'as pas 10 balles, là, s'il te plaît. Ce que je voulais dire, donc, c'est que je déconseille fortement aux routiers de se déguiser. Parce que moi, je me souviens qu'un jour, j'avais un pote qui était routier, qui s'était déguisé, il s'était déguisé en poule. Et il s'est emmêlé dans les tentacules, ce con, et il a fini par se cartonner, quoi. Donc, si c'est pour causer des accidents, éviter les déguisements, messieurs les routiers. Non, mais je pense, faut bien préciser. Non, mais attendez, attends, Ether. Il faut bien préciser qu'on met tout ça sur la faute des routiers. Mais en fin de compte, c'est pas que les routiers qui créent des accidents. Mais il y a aussi le déguisement, c'est vrai. Non. Faut bien dire une chose, que les trois quarts du temps, on dit toujours les routiers, c'est eux qui créent le plus d'accidents. Ouais, mais d'accord. Non, mais attends, laisse-moi finir. Ouais. Tout le monde va être d'accord avec moi. Ça, faut pas dire que c'est toujours les routiers. Mais en fin de compte, c'est pas eux qui créent le plus d'accidents. Moi, je dis, il y a aussi les conditions atmosphériques. Je veux dire, quand tu vois qu'il pleut ou qu'il neige ou que il y a du verglas, des trucs comme ça, je veux dire, c'est normal aussi. Voilà, ça crée des carcans. Non, mais moi, une fois, j'ai vu un routier qui était déguisé en Lady Di, il s'est pris pour l'Alma comme un con. C'est qui? C'est quoi ton nom? Il y a un problème à quelqu'un que je connais. C'est qui ton nom? Oh là là, dénoncez-vous, là, qu'on vous dit. Vous voulez pas vous dénoncer, on va vous jeter, c'est cool. Bon, c'est tort, GG. Boule d'ours. Bah, pas un pack de bière, je vois pas, franchement. Bon, d'accord, c'est tout ce que t'as à dire, toi. Ah bah, ok. Gérard, c'est Papa, je peux répondre. Gros pandard. Mon GG, je suis un petit peu fatigué. Attends, moi je suis pas ton GG. Écoute. Ok. Moi je veux dire une chose, que depuis minuit que j'ai attaqué, il est 3h, demain il va être 4h du matin. Écoute. Il va être 4h du matin. Ouais. Hein? Et demain, tout à l'heure, j'ai rendez-vous. Bon, ta gueule! Après, il va être 5h. Ouais, mais moi j'ai rendez-vous à 11h30. Écoute, TG. Et moi, il va me rester quoi, 7 heures à dormir? Gros panda. Gros panda, donc. Bah, écoute, je suis un peu fatiguée, donc je vais faire un gros dodo et je te dis bonne nuit et bonne Noël, voilà. Ah bah ok, au revoir. Gérard, c'est Papa, je peux répondre? Alors, accouche, toi. Ouais, bah je t'emmerde. Eh ben moi aussi. C'est pas moi, Gérard. Hop, allez vite, là. Gérard, c'est Papa, je peux répondre cette fois? Ça va aller vite, la conclusion. Bah, Gérard, tu as dit Papa, il y a des gens, c'est bon. Gérard. Oui, Gérard, ce serait bien qu'il soit déguisé toute l'année, en fait, à nous. Ceux qui sont bons, là, tu me les diras. Gros pandard, il est gros. Ouais, ben, il est parti. Qui c'est qui nous reste? Papaye. Il reste Peter, c'est tout. Papaye. Ouais, donc, moi, la dernière fois que j'ai vu un routier déguisé, c'était, je me rappelle, c'était il y a longtemps, c'était Noël 78, je crois. Ouais. Et il était déguisé... Non, mais je peux pas le dire, en fait, laisse tomber. Non, mais si, dis. Non, je peux pas le dire. Mais dis. Bah, il faisait 120 kilos, il avait des grosses tresses et il puait de la gueule. Voilà. Tu veux penser... Tu veux dire... Comme l'honneur, hein. Ah non, c'était pas Sandy, elle avait pas une grosse couche de fond de teint sur la gueule. Attends, terminé pour Papaye. Attends, Gérard. Au revoir, Papaye. Gérard, je peux t'emmerder avant de partir. Au revoir. On accueille Routier Mystère. Eh, c'est quoi cette voix derrière? C'est qui ça? Taisez-vous. Routier Mystère. Ça c'est du standardiste. Ça c'est du fil d'art qui peut t'épouser. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien ça. C'est bien du fil d'art qui pète les plombs. Gérard. Oui. Je peux répondre? Oui. Ouais. Je voulais juste te dire que en fait. Et hop là. C'est bien. Allez, Gérard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de questions internet, là. Il n'y en a plus de questions internet. Je sais même plus combien qu'on est sur l'internet. Oh, les deux, 5998. Oh, il m'a... Oh, qu'est-ce que tu fous, là, Philippe? J'arrive. T'es bonne, Gérard. Attends, mais c'est quoi là ce bordel? Qu'est-ce qu'il nous reste là? Bah je sais pas. C'est qui? Manu Farr, hein? Manu Farr? Bah oui. Tu l'as pas dit, Manu? Ah c'est tout. Ah c'est tu lui piques ton blanc. Normal, à la tienne. T'es bonne, Gérard. Bon, allez, dernière question et après on fait conclusion. Il est 3h54. Rigo, combien qu'on est? On est, comme disait Max, 5999. Ah, plus qu'un. Et il va arriver le 6000 ou pas? Le 6000ème. Bon, j'arrive. Okay, peut-on être routier quand on a le bac? C'est une question. Je te prie ton cul. Ça doit pas être très cher. Dégage, toi. Dégage. J'ai des problèmes de connexion, là. Alors, peut-on être routier quand on a son bac? Attends, deux secondes. Si t'as des problèmes de connexion, tu changes de serveur. Non, non, c'est pas ça. C'est mon provider qui déconne. Ah, c'est ta marque, c'est Internet. Là, je prends rien pour toi. Et pas de marque, s'il te plaît. Ouais. Alors, donc, c'est la dernière question. Donc, peut-on être routier quand on a son bac? Allez, on a couche ça. Non, ça sert à rien. Quand t'as ton bac, tu fais pas de route, tu fais pas routier. C'est vraiment le dernier recours dans ta vie. C'est qui Arnest, salut, GG, ça va? J'ai piraté la ligne du standard. Ether. Gérard, ferme ta gueule. Mais qu'est-ce qui se passe là? GG, tu me laisses là pour un choco? Non mais Allô? Non mais c'est pas bon. Gérard, ferme ta gueule. Gérard? Ouais. Petit mystère à l'appareil. Ouais. Bonsoir. Donc moi je viens d'arriver. T'es cool toi. J'ai pas trop suivi le débat. Ah non mais la nature aussi toi là, car. Moi d'avance c'est tout raide. Mais ça m'intéresse, continue. Donc peut-on être routier quand on a son bac? Je te pose la question. C'est la fin là. Impossible. Moi je vais te dire franchement, je suis routier depuis déjà 10 ans. Ouais. Et j'ai pas mon bac. Mm-hmm. Et ça m'empêche pas d'être un bon routier. Ouais mais... Oh là, un bon routier est un routier. Pourquoi je disais, ton bac est refusé, non? Tu disais, Gérard? Non, mais je pense, t'as écouté un peu tout le débat, non? Bah non, j'étais dans le camion et il y a des moments où je ne pas. Oh là, t'es encore dans le camion, toi? Non, je suis chez moi, là. Je suis à côté de ma femme. Ouais, ok. Ether. Si tu veux faire les fesses, tu fumes. Ether. Non, mais il est parti, hein. Alors, boule d'ours. Ouais, tranquille. Ça va te faire foutre, GG. Eh ben, c'est bien, toi aussi. Copyright. Alors, on est pas 6 000. J'ai rien de dire copyright, c'est copyright. Donc, on est pas 6 000. Non, mais on est pas 7 ou 8. Hein. Ah non, Arnett, il arrive pas à se connecter. Maintenant, ça y est, c'est terminé. On fait conclusion. C'est pas grave. Allô, c'est Pierre, je peux répondre? Il a pas répondu. Ah, vas-y. Ouais, c'est Pierre, là, pareil. Bah, je t'écoute. Moi, je pense que, bon... Ok, Michel. GG. Bah, Gérard, c'est quelque chose, là. Alors, tu réponds, Pierre, correctement ou pas? Ouais, c'est Alain, je peux répondre? Alors, tu réponds. Bah, foutez-vous pas de ma gueule. Ok. Bon, allez, hop, conclusion. Conclusion des débats. Gérard. Conclusion. Gérard, ça l'heure, s'il te plaît. Conclusion, il est 3h56, on arrête, on fait conclusion. Gérard, ça l'heure, s'il te plaît. Conclusion. Bon, Gérard, ça l'heure, s'il te plaît. C'est quand même routier mystère, merde. Non, ça l'heure, s'il te plaît. Conclusion. On va faire un débat sur la profession, merde. Bon, Gérard, je remercie Acétone, quand même, qui vient d'arriver, qui est le 6000e connecté. Ce que j'attendais, les 6000, donc maintenant on fait conclusion. Ouais, maintenant tu peux partir, tu peux partir. Donc conclusion des débats. Ouais, alors, c'est moi, je voudrais faire une conclusion. Ouais, vas-y. Alors, j'invite tous les gars de la radio chez mon pote Goldo qui organise une grande fête le lundi, je sais pas combien, enfin lundi qui arrive. Ok, Sarigo. Eh ben, bonne nuit à toi. Merci, salut. Tu peux venir, moi? Bah ouais, pas de problème. Okay. Donc, t'invites du monde, tu vois. Et ça donnerait la date en tête. Qui nous reste? Ouais, c'est Routier Mystère. Ouais. Ouais, ben... Ouais, ça parlait la meuf avant. Ouais, Gérard, ça l'heure, s'il te plaît. Ouais, ben, je trouve qu'on a vachement appris ce soir. Je me coucherais vraiment moins bête, Gérard. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as appris, là. D'accord. GG? Ouais. Des cocottes? Ouais. Bah, je voulais dire que pour la veille de Noël, quand même, un débat sur les routiers, c'est très... Ben, ça, c'est pas moi qui l'avais programmé. Ouais, c'est ton rapport avec Noël. Non, mais c'est pas moi qui l'avais programmé. Ça a été annoncé déjà depuis la semaine dernière. Ouais, c'est Max qui avait annoncé. C'est Max qui avait annoncé qu'on allait faire un débat sur les routiers. Ouais, c'est pas un problème que j'ai envie de faire un débat sur les routiers avec Gérard? Non, j'ai eu peur, parce que sinon... Gérard. Ouais. Ça va? Bon, Gérard, t'as juste pris ton cul. Bon, allez, hop, on est. Bon, Gérard. 3000, Gérard. Gérard, il y a les conclusions de l'IRC. Ouais. Donc il y a une conclusion de Turpentine. C'est bordel au standard. Coupe, Manu. Donc voilà. Il y a une conclusion de Turpentine, elle dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bon bah ça m'aurait étonné. Donc petite conclusion comme il n'y a plus personne. Donc bah la seule conclusion que j'ai à dire c'est que c'est dommage que ça ait foiré quand même. Parce que normalement c'était bien parti au départ mais ça a foiré vers la fin.